Ici Maxime Tremblay de L'Épée Légendaire. Vous écoutez C'est juste un autre podcast avec Luc Desormeaux, Annick Bélanger, Simon Lefebvre et Éric Chamberlain. Ajustez vos écouteurs et montez le volume, ça commence maintenant. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au 9e épisode de C'est juste un autre podcast. Aujourd'hui avec moi, j'ai comme d'habitude Simon Lefebvre. Salut. En direct de Edmonton en Alberta, pas loin, ben, à 3 heures où j'ai passé ma semaine passée. On a Éric Chamberlain. C'est moi qui te parle? Ben, quand je parle ton nom d'habitude, c'est pas mal ça. Puis oui. On a aussi ma conjointe Annick Bélanger. Bonjour. Et puis moi-même, Luc Desormeaux, bon c'est ça. C'est pas important, je vais juste animer le show, c'est pas grave. C'est juste ça. C'est en plein ça. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs sujets, fait qu'on va commencer tout de go si on veut terminer. Juste commencer, je sais que c'est déjà pas mal tard, mais on est déjà en retard d'une semaine. Je veux remercier Musique Plus pour le beau party qu'ils ont fait pour Monsieur Net pour la 2000e. C'était super d'avoir été là, puis d'avoir été invité, rencontrer toute la gang. Puis même manger du gâteau de Monsieur Net que vous avez vu, le beau gâteau avec les petits bonhommes. Là. Chanceux. On a réussi à en manger un petit morceau. Il était excellent. Fait que merci à la gang de Monsieur Net pour ça. Puis je souhaite à Denis de pouvoir aller battre Bobino avec ses 5000 quelques émissions. Donc, on va commencer. Ce soir, Simon, tu as quelques sujets. Tu nous parles d'un animé, puis tu nous parles de MMO. Ça devrait être pas mal dans la même... C'est pas mal ça. C'est pas mal ciblé, ce dont je n'étais pas sûr si t'avais et animé et MMO, fait que... J'ai un tout petit animé que je voulais glisser dedans, parce que pour l'instant, ça l'augure bien. Là. OK. Mais je vais commencer avec les MMO. D'abord, vas-y, on t'écoute. Ben, merci bien. Alors, bonjour ou bonsoir tout le monde. Sans plus tarder, évidemment, je vais débuter avec les MMO, avec un bref détour au niveau des animés, tel que Luc avait spécifié. Alors, tout d'abord, un ancien coup de cœur... Dong dong dong. Aïon. Aïon. Free to play. Aïon joué. Aïon eu-tu du fun? Ok, t'as vu. Aïon-tu une autre question? Ok, donc c'est ça. Aïon avait été lancé en 2009. Aïon était payant dans ce temps-là, donc pareil comme World of Warcraft. Je te dirais, pour la compagnie, ça doit être payant encore aujourd'hui, mais... D'une autre façon. C'est beau. C'est une joke plate, je suis fatigué, c'est beau. C'est bon, on accepte ça. Donc, ce que Luc vient de parler, c'est que justement, ils ont décidé, NCSoft, de transférer ça en free-to-play, avec des transactions, donc des microtransactions, ce que Tristan Geoffroy aime bien prononcer et dire comme mot. Là. Ouais, c'est des microtransactions, ouais, c'est, ouais. C'est la nouvelle mode. Et voilà. Donc, moi, personnellement, j'adore vraiment ce qui est gratuit avec ça. Pourquoi? Ben parce qu'en réalité, ça nous permet de tester à fond. Et puis, on n'a aucune obligation. Puis, on peut tester donc tous ces jeux-là, justement, qui, on croit, va être une bonne affaire. Mm-hmm. Ou pas. Donc, côté graphique. On va commencer tout de suite au côté graphique. Mm-hmm. Tu pourras me couper si tu veux, il n'y a pas de problème. Là. Mais je dois vraiment faire... Eric, est-ce que tu as joué à Aion? Ok, donc je vais continuer là-dessus. On va t'éclaircir un peu. T'as pas perdu au change, mais à partir de 2009, t'avais perdu, mais on expliquera ça un petit peu plus tard. Je dois faire vraiment, comme je disais, un retour en 2009, parce qu'il faut vraiment lui donner les crédits que ce jeu-là mérite. À ce moment-là, c'était vraiment le plus beau jeu, là, graphiquement parlant, là. C'est incroyable. La seule bémol, c'est que tous mes amis, il n'y avait pas personne qui jouait et qui voulait payer 15$ par mois. C'était non, non, non. Mm-hmm. Et puis, j'étais pogné avec mon Collector Edition. Qui est beau, en passant. Merci beaucoup. Qui a apporté ici aujourd'hui. Puis, c'est joli. Oui, vraiment. Joli. Là, mais c'est ça. Malheureusement, aujourd'hui, le jeu, il a vraiment perdu des plumes, pour pas dire, parce qu'on vole dans le jeu. Oui, on vole. Et voilà. Et on meurt aussi, hein, si on est fatigué, puis que nos ailes... Oui, quand tu dis « viens-t'en ici en volant », puis c'est « où ici ?»« Ah, gadon, je m'écrase. » Donc, c'est ça. C'est sûr que c'est le style coréen que j'aime. Mm-hmm. C'est peut-être pas donné à tout le monde. Création de personnages. Oui. C'est assez complet. Ouais, t'as beaucoup de choix. T'as pas mal de choix. Tu peux customiser beaucoup. Assez que t'as l'impression que ton personnage va quand même être presque unique, malgré que c'est pratiquement impossible dans les MMO. Ouais, ben, au nombre de couleurs qu'il te donne pour la peau, le nombre de cheveux, d'options de cheveux, d'yeux qu'il te donne. Je veux dire, t'as pas beaucoup de choix de couleurs de yeux nécessairement. Mais les couleurs de peau, je pense que t'as la palette au complet. Ouais, t'en as en masse. Fait que si tu veux te faire un tueur à gages rose, tu peux si tu veux. C'est d'accord. C'est un exemple que je donne. Il est fatigué. Il est fatigué ce soir. Côté gameplay, similaire aux autres MMO, c'est sûr qu'on se retrouve aussi facilement. Oui, Eric, t'as une question? Ben, tu disais tu peux customiser, c'est-tu juste la peau, la face ou tous les vêtements vraiment? Les vêtements, c'est sûr que c'est de base, donc c'est-à-dire que tu vas commencer avec les vêtements qu'ils t'ont donnés. Puis oui, si tu enlèves tous tes vêtements de ton équipement, tu vas rester quand même en sous-vêtements et tu ne seras pas donc à poil. Donc c'est quand même bien géré au niveau des jeunes. Mais oui, plus tu vas aller, plus tu vas avoir des costumes, autant des costumes que vraiment des armures. Mais celui que tu as en partant, tu n'as pas le choix. Là. C'est ce qu'il te donne. Mais pour pouvoir faire ta customisation, c'est ce que tu me demandes, c'est que tu vas pouvoir changer, mettons, ton corps, la grandeur, tout ça, les jambes, tes hanches et tout. Mais tu peux regarder autant, exemple, qu'est-ce que ça fait, ce personnage-là, avec le costume vers la fin de la game. Parce que tu vas avoir une armure différente que celle que tu as en début de game. Là. Ouais, c'est ça. Ça répond-tu un petit peu à ta question ou... Je pense que c'est surtout ça le fun d'un MMO, là, c'est de te faire un bonhomme unique. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, ça me dérange pas de perdre 30 minutes à créer mon personnage, sinon plus. Contrairement des fois à ce que tu dis, OK, go, go, go, puis tu cliques random juste pour le tester. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'aime bien prendre mon temps. Ben ça, tu te ramasses dans des combats, puis tout le monde est pareil. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas pris le temps de customiser mon personnage parce que je savais que je jouerais pas nécessairement plus longtemps que notre temps de test. Fait que j'ai pas pris 4 heures à me personnaliser un bonhomme parce que je savais que je jouerais pas pendant des années à ce jeu-là. Parce qu'on a quand même d'autres jeux à essayer et aussi d'autres à jouer. Oui. Donc, il a fallu faire des choix à un certain moment là, avec tout le nombre de MMO qui sont présentement proches d'arriver aussi. Et à venir, même pour l'année prochaine, que ça parle déjà qu'il y en a d'autres qui vont arriver qui semblent intéressants, mm-hmm. Ben, il faut falloir faire vraiment un choix, là, parce que l'investissement qu'on se donne au niveau du temps pour un MMO, c'est quand même assez considérable, à moins qu'on soit casual, mais même à ça, si on paye tant par mois, ben, on en veut pour notre argent. Donc, il va falloir faire des choix, là. C'est ça. Donc, Ion ne faisait pas partie de ceux-là. Mais je dis pas, fini, puis on en reparlera après. OK, ben, je voulais juste parler au niveau du gameplay. Le gameplay, moi, je le trouve vraiment similaire aux autres MMO, puis ça, même dans le même style que Star Wars, pour te naviguer, aller trouver des quêtes, puis bon, oui, les gens ils ont des petites flèches bleues au-dessus de leur tête au lieu des points d'exclamation, comme dans d'autres jeux. Puis, c'est ça, on les suit, puis le jeu, c'est pareil, au lieu de taper 10 rats, ben, tu vas taper 10 bibittes. Ouais, c'est ça. Tu vas monter, fait que ça reste, pour moi, très jouable, c'est à essayer. Si c'est juste au moins pour au moins apprendre à voler. Peut-être même faire une quête pour voler, voir comment ce que c'est de voir ça du haut. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réalisé le vol. Mm-hmm. C'est sûr que tu n'as pas eu le temps d'apprendre vraiment à le maîtriser. Là. Non, mais c'était pour ce que j'en ai vu, c'était bien, c'était le fun. Tu sais, fait que. Puis aussi, les plus audacieux pourraient peut-être même se rendre au niveau, je crois que c'est 25, que c'est là que tu peux débloquer, puis tu peux aller dans un. Entre les deux mondes, parce qu'il faut que j'explique un peu l'histoire. C'est comme le bien et le mal, si on veut, mais c'est deux terres qui ont été séparées. Suite à un cataclysme, puis là, ben, y a les bons qui sont de couleur peau parce qu'ils ont accès au soleil, puis les autres vont avoir une peau plus foncée parce que les Asmodiens, parce qu'eux vont être cachés du soleil. Mais ces deux-là se font toujours la guerre. Mais entre les deux, là, il y a ce qu'on appelle comme un genre de rift, si on veut, une zone où c'est du joueur contre joueur. Mais aussi, en même temps, NCSoft a créé une intelligence artificielle qui ont créé des demi-dragons. On les appelle les Balor. Okay. Ils sont tellement forts que tu ne peux pas les tuer tout seul. Il faut que tu testes ceci, il faut que tu fasses une équipe avec justement ton adversaire afin de pouvoir le combattre puis les rechasser. Okay. Puis après ça, ben, tu continues à te battre avec les nouveaux par la suite parce que sinon, c'est ça, c'est pas faisable. Okay. Fait que moi, je trouve ça bon. Là. C'est un bon jeu. Moi, il y a une bonne cote, ce jeu-là. C'est juste qu'il faut faire un choix. Puis, c'est sûr que, bon, aussi, même côté graphique, aujourd'hui, tu sais, il est quand même 2009. Oh, oui. Mais c'est quand même l'engin de Crysis. Le CryEngine. C'est le CryEngine. Ouais. Fait que c'est sûr, c'est peut-être le pas... Premier. Pardon? Le premier CryEngine? Ouais, sûrement le premier CryEngine, parce que le premier Crysis doit être de ça à peu près 2009. 2008-2009, j'imagine, peut-être un petit peu avant ça. Ouais, c'est un bon engin. Aujourd'hui, ça roule bien. Là. C'est sûr que quand c'est sorti, c'était... Ouais, mais tu devrais voir quand même, pour même en 2009, c'était incroyable. Là. Mais, puis parce qu'il fallait avoir... Je dis, ça prenait des bombes pour le rouler, c'était ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, mais encore, il est encore beau aujourd'hui, je veux dire, à comparer de d'autres jeux que j'ai vus, il est encore beau. C'est sûr qu'il n'est probablement pas l'effet, le wow, comment c'est incroyable que c'était avant. Que j'ai eu lorsque moi, la première fois, j'ai joué, c'est puis ça. Les gens regardaient ça et ont fait « Wow! » Pour eux, c'était comme Avatar, là. Ouais. C'était incroyable, là. Parce qu'il n'y a pas une grosse différence entre la qualité graphique de ça et peut-être Star Wars, même aujourd'hui. Star Wars, c'est peut-être un peu plus beau. Mais il n'y a pas une grosse différence de qualité graphique. Là. Non, puis le gameplay est pas mal similaire. Fait que c'est juste une question de choix. Si nous, on aime le thème Star Wars, non, ouais, c'est sûr qu'entre les deux, on va aller plus vers cette tangente-là. Mais Aion a sa place quand même. Le fait qu'il soit tombé gratuit, je trouve ça très intéressant, mais je l'aurais mis un an avant. Ils sont peut-être un an en retard avec toutes les sorties de tous les MMO présentement. Là. Il aurait dû se réveiller avant que Star Wars sorte. C'est ce que j'aurais fait. Oui, peut-être. Mais ils vont avoir leur public. C'est comme tous les MMO gratuits vont avoir à un moment donné du monde qui aime les MMO, qui sont tannés de Warcraft, qui sont tannés de Star Wars. Parce qu'on le voit, le monde sont tannés de Star Wars. Là. Jouais sur des heures vraiment quand même. J'ai joué toute la semaine. C'est tout ce que j'avais à faire dans ma chambre d'hôtel à Calgary. Fait que je suis parti du niveau 25, mon bonhomme est rendu au niveau 29. Mais, je veux dire, je jouais sur mon serveur, il y avait 19 personnes sur Tatooine. À des heures vraiment, normalement, de grande utilisation, là, il était 7h, 8h. Mm-hmm. Puis il y avait 19 personnes sur Tatooine, sur mon serveur. C'est rien, là. Fait que... Ça doit être ça partout sur toutes les autres planètes aussi. Fait qu'ils devraient, apparemment, à un moment donné, ils vont... diminuer le nombre de serveurs, bon, on se ramasse avec moins de serveurs, ou le monde va essayer d'autres choses. Peut-être que quand ils ont sorti Free to Play, le monde se sont dit, ben pourquoi je paierais 15$, je vais aller essayer ça. Moi, Ion, je l'ai pas haï, la seule affaire que j'ai trouvé bien dure, c'est je trouve que la map est mal faite. Trouver tes quêtes sur la map, je trouvais que c'était plus difficile que dans Star Wars. Ah ouais, ok. Parce que Star Wars, c'est super bien indiqué, t'as un triangle. Puis c'était avec un point lumineux dedans, c'est tes quêtes principales, puis les autres triangles, c'était tes quêtes secondaires, mais t'es voué en gros sur la map quand t'approches. Dans Aion, j'avais de la misère à savoir était où ma prochaine quête. Une chance que t'étais là, je me serais tanné avant. OK. est où ma prochaine quête? Oui, je vois tous les bonhommes avec les flèches bleues toute la tête qui veulent me donner une quête, mais un coup je la prends, je m'en vais où? Puis j'avais de la misère à voir, OK, il faut que je m'en aille vers... en haut, vers en bas, vers les côtés. Tu sais, à un moment donné... Faut penser aussi que toi, tu débutes dans ce monde-là. Et ça m'amène justement à mon prochain MMO dont je vais parler, qui... tu vas avoir besoin de moi. Éric a une question. Oui, Éric? Ben, ce que c'est MMO-là, là, c'est tout le temps cette espèce d'univers fantasy, elfe... Donjons et Dragons, qu'est-ce qui fait, mettons, que j'aime cet univers-là, mais que je vais aller choisir Aion avant World of Warcraft ou avant Lineage ou avant tous ces genres? Si tu me poses la question à moi, ça va être très facile. C'est le côté, moi, graphique. On va s'entendre, tout ce qui est MMO, il y a différents MMO, il y a des MMO science-fiction, il y a de tous les thèmes. Moi, j'ai choisi un thème que j'aime, c'est la fantasy. Donc, autant que, oui, ça peut être des fois... tiré par les cheveux, mais moi, aussitôt qu'il commence déjà même à avoir des guns, je décroche un peu. Mais ce qui m'accroche, écoute, World of Warcraft, c'est vraiment crappy. On voulait pas en parler, mais on en parle finalement de World of Warcraft. Mais c'est ça, c'est vraiment le cartoon, la façon dont c'est dessiné, j'accroche pas. Fait que peu importe, même si oui, t'as raison, ça reste tout le temps la même chose que... Tu vas créer un personnage, tu vas recevoir des quêtes à faire et tout ça. C'est pour ça que, bon, tu vas voir, je vais te parler justement de mon prochain MMO qui se trouve être Guild Wars. Puis, on dirait que toutes les compagnies essaient de sortir un peu du moule de leur façon à eux. Donc, c'est soit que t'aimes, soit que t'aimes pas, soit que t'accroches. Mais pour moi, là, vraiment, c'est le thème fantaisiste qui va vraiment avoir prime. Puis après ça, il faut que j'aime le graphique. Mais c'est sûr, je peux pas me plaindre côté graphique si j'ai pas une bombe pour le rouler pour dire bon ben tu l'as-tu mis à tu sais tout à high puis tout, fait que viens pas te plaindre là-dessus. Mais pour moi, déjà World of Warcraft, même si tu le mets à high, l'elfe avec ses oreilles pointues puis tout, que moi j'aurais joué parce que c'était un mage, je suis pas capable. Fait que c'est là que t'as décroché. C'est clair. En partant, j'aime pas le graphique. Fait que même si le jeu est excellent et autre, j'embarquais pas, là. OK. T'es-tu d'accord avec ça ou... Non, non, c'est ça, mais je cherchais, je me disais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, disons, qui aime les jeux fantasy? Il y en a beaucoup de MMO fantasy. Je me disais, comment tu choisis celui auquel tu vas jouer? Parce que, tu sais, veux pas, ça va tous un peu se ressembler. Ouais, exact. Oui, parce que regarde même au côté coréen, là, il y a Arcage qui s'en vient aussi, dont Secret World qui s'en vient. Fait qu'ils ont toutes des fois une certaine thématique, mais c'est bien beau que la qualité graphique est belle, mais il faut que j'aime le personnage, il faut que j'aime le monde que j'explore. Sinon, j'accroche pas. Peu importe, là, même s'il est réputé très bon, là, j'embarquerai pas. Fait que, ça répondait-tu à tes questions, ce qu'il a dit? Oui, oui, exactement. OK, faut qu'on continue. Merci, suivant Rick. Next. Eh bien, mon suivant, évidemment, certains d'entre nous doivent avoir le vague à l'âme ou carrément l'âme parce que, bon, oui, on avait eu le bêta week-end de Guild Wars 2. Ouh! Pour moi, bon, c'est une autre histoire. Je vais encore donner un avertissement, c'est que Guild Wars 2 semble avoir été créé avec l'idée que les gens qui vont jouent à des MMO là, depuis plusieurs années. Donc, c'est ça, je vais expliquer le pourquoi, mais comme tu m'expliquais tantôt avec Aion, tu semblais un peu dérouté à savoir où est-ce que je vais pour les quêtes et autres. Là-dedans, tu pourrais même, si tu es seul, tu pourrais vraiment te sentir peut-être frustré, même abandonné pour dire « Regarde, ce jeu-là, j'accroche pas ». Mais bon, comme tous les gars et les filles, là, lorsqu'on a un nouveau joueur, on le déballe tout de suite, on prend pas le temps de lire les instructions, puis on assemble tout. Des fois, on a des surprises, ça marche pas, mais on aime ça. C'est le fun, hein? Des fois, ton sapin de Noël n'a pas l'air d'un sapin de Noël. C'est cela. Alors, je suggère fortement de prendre connaissance des commandes de jeu avant de plonger, une fois qu'on a créé le personnage, avant de commencer à cliquer « Play ». Parce que ça m'a vraiment accroché. C'est une partie de vraiment là, que je leur donne mon chapeau. Aussitôt qu'on entre dans le jeu, on plonge dans l'action. Donc, on est sous la pluie torrentielle, on a un personnage non-joueur qui nous interpelle, il dit « Hey, viens ici ». Aussitôt, là, il nous demande « Écoute, on a besoin d'aide, tout ça, ça marche pas bien ». On est déjà en train de vouloir secourir le plus de gens possible en leur disant d'aller se réfugier à l'auberge. Okay. Parce que, bon, dans Guild Wars 1, les humains ont été battus par les Chars. Et dans celui-ci, tout porte à croire que c'est vraiment les Centaures, cette fois-ci, qui nous posent problème. Okay. Tout un défi, en plus, là. Donc, c'est la totale en partant. Là. T'es vraiment dans le jeu. Écoute, moi, pour moi, ça l'a déjà tout de suite en partant, la barre était élevée pour dire « Wow, incroyable! » Et puis, tu sais, on se dit que la barre était déjà haute, les attentes. Mais déjà en partant, avec ce que j'ai pu voir de ce bêta week-end-là, on se dit « Wow, qu'est-ce que ça va être le reste? » là. Donc, j'espère que ça va continuer dans cette même lignée-là pour pas être trop perdu, là, pour ouais. dire « Bon, ben OK, ça appartient à Lyon, puis ça s'est calmé. » Ouais, c'est ça. Donc, on s'en doutait, les habiletés ont changé et la façon de les débloquer en fait partie. Les habiletés, donc les skills, là, sont différents selon le type d'arme que l'on a sur soi et en plus selon la classe de personnage choisie. Okay. C'est sûr qu'un mage ne pourra pas avoir une hache, mais un nécromancien peut. OK. Et donc, je vais revenir à mon magicien parce que, évidemment, dans tous les jeux... Je joue un magicien. On peut avoir un bâton, une dague, un objet de focalisation. C'est comme dans Star Wars, c'est un concentrateur d'énergie. Là, mm-hmm. J'ai appelé ça un fauci. Okay? Okay. Pour les sorciers. Là. Un sceptre. Puis on peut même, ensuite de ça, combiner une dague justement avec ton concentrateur, ton fauci, un sceptre avec un fauci. Et tout ça fait en sorte que ça débloque certaines habiletés que tu n'avais pas si tu avais juste une dague. OK. Ça combine puis ça te donne quelque chose de plus. Exact, afin d'avoir nos 5 habiletés d'action selon la combinaison qu'on fait là, pour okay. pouvoir jouer. À mon avis, tuer des monstres au bon niveau, ça serait la bonne chose à faire jusqu'à ce que vous débloquiez la plupart de vos habiletés. Okay? Le mage étant un peu plus complexe, yes sir. Il est plus dur à jouer. Ben, ils ont rajouté une complexité, c'est parce que ses habiletés vont aussi changer selon le choix qu'on appelle un attunement. S'il va s'adapter dans le fond au mode feu, eau, air et terre. Okay. Donc non seulement lui, si tu as une dague, tu vas pouvoir débloquer une dague de feu, de l'eau, la terre et l'air. Tu vas donc avoir 3 skills à débloquer pour chacun. Moi j'ai trouvé ça fantastique, j'adore ça. Puis ça me dérange pas de tuer des araignées autant que possible pour monter. Ouais c'est ça, pour monter dans le fond toutes mes skills. Et c'est ça. Donc, selon votre niveau, en partant, comme moi, en étant magicien, j'avais juste accès au feu et à l'eau. Okay. Et quand tu vas monter de niveau, tu débloques l'air, tu débloques la terre. Ça, c'est pas très long non plus. Fait qu'on, pour moi, c'est pas vraiment une bémol pour dire « Ah, c'est long et tout ça, tout débloqué. » Moi, je trouve que c'est là que Eric, ce qu'il posait comme question, je crois que Guild Wars ont tenté de faire ça un petit peu différent. Sortir du moule. Puis ils l'ont fait aussi côté graphique. Là. OK. Désolé. Mais c'est là que je disais que pour moi, c'est là que j'accroche plus ou moins. C'est parce que les animations sont vraiment bien. Okay? C'est la cinématique, là, c'est vraiment... La cinématique est bonne, mais les animations, moi, je parle plus au niveau du combat. Donc, lorsque tu vas lancer un sort, l'animation qui va se créer pour pouvoir arriver okay. à là, c'est bon. Le côté graphique, donc les plaines, comment c'est fait et autres, c'est vraiment là où je suis déchiré. Okay. Parce que certains ils trouvent ça vraiment innovant. Il y a du monde qui capote là-dessus. Là. C'est vraiment wow, ils ont vraiment sorti du moule, tout ça. C'est ça que je leur donne le crédit. Mais pour moi, ça, comme je disais, comme World of Warcraft, là, ça me touche moins. C'est ma petite bémol qui me fait ih. Mais je pense par-dessus parce que ça reste quand même bon. Mais c'est ça, eux, ils sortent vraiment du cadre des standards de la beauté des jeux, ce à quoi tu t'attends, ce que Eric disait. Mm-hmm. Chaque jeu se ressemble, chaque jeu a de l'air pareil. Celui-là, tu peux dire, ils ont été un peu plus loin. Donc, c'est à essayer. C'est vraiment du cas par cas, puis j'enlèverai rien au reste, là, le gameplay, tout ça, c'est formidable. Là. Je voudrais vraiment dire, on aime ça ou on n'aime pas, mais encore là, je suis pris au milieu. Les décors, la ville, les plaines, tout est bien fait. Il y a un côté artistique, comme je disais, avec mes lunettes, là, moi, ça m'empêche de m'extasier là, totalement. Là. Okay. Fait que c'est beau, mais c'est pas wow. Ouais, mais pour d'autres, ça va être perçu comme un pur chef-d'œuvre. Okay. Tu sais, c'est ça. Là. Fait que, comme quoi, la beauté dans l'œil du dragon. Ah non, ça, c'est une autre émission, ça, à télé. Je pense que... Ils ont mentionné qu'on pouvait jouer solo jusqu'à la fin. En partie seulement parce que moi et ma partenaire de jeu... On était bloqué dans l'histoire lors d'une quête qui demande 5 joueurs. Comme auparavant dans Guild Wars 1, il y avait des endroits stratégiques où tu as des missions et tu dois attendre que, bon, c'est des groupes de 4. Donc là, t'attendais, puis là, oups, tu reçois une invitation ou tu demandais une invitation et là, tu formais un groupe de 4 et là, tu peux faire ta mission et que des fois, il fallait que tu la refasses 2 fois parce que tu as accompli que la moitié. Bref. Mais tu peux pas sauter par-dessus ces quêtes-là. C'est ça. Continuer. Mais ça va te créer un manque peut-être dans l'histoire ou d'autres choses que tu vas manquer parce que ça a l'air à suivre l'histoire que tu dois suivre. Tu as une quête, donc, principale. Ouais. Puis là, je vais l'expliquer un peu au niveau de l'histoire des quêtes dans pas long, là. Mais je vais le faire tout de suite. Lorsque tu te déplaces pour aller à un certain endroit pour faire ta quête principale, tu vas arriver, oups, il va y avoir comme une alerte. Tu vas voir dans ta mini-carte une zone orange, puis tu vas voir, ça va t'apparaître en écriture pour dire, bon, ben à cet endroit-là, il y a un événement qui se passe, un event. Tu as le choix de participer ou pas. OK. Donc, c'est libre à toi, là, tu t'en vas là, puis wow, t'es garoché dans l'action, sans bon sens, c'est tout partout où c'est que tu penses, il y a toujours de quoi à faire, sans compter ta quête principale. C'est-tu un peu comme dans Eden Eternal, quand t'avais une gang qui attaquait un cristal qu'il fallait aller défendre, puis tout le monde fait se pitcher là pour aller le défendre à un moment donné, comme une attaque de ça, village? Ça, c'est une guerre de territoire, ouais. c'est autre chose, mais là, c'est, écoute, Guild Wars, c'est de la guerre. Hein? Faut pas se le cacher. Là, c'est les centaures qui sont la menace. Ils sont partout. OK. Donc là, ils ont... Puis il y a même aussi des bandits qui profitent de cette situation-là, des bandits humains. Puis là, ils vont saccager des fermes et autres. Ils vont mettre le feu aux pailles et autres. Donc, tu dois, toi, prendre un bucket d'eau. Un seau d'eau. Puis tu vas pouvoir le lancer dessus. T'as de la nourriture, dans le fond, pour les bœufs. Tu vas leur donner. Là, tu vois, le bœuf va être content. Tu vois des petits cœurs apparaître. Mais tout ce que tu fais là, ça, c'est une autre quête qui, tu vas voir, ta barre va augmenter jusqu'à temps que tu l'aies accompli. Et à ce moment-là, tu débloques ce personnage-là afin que tu puisses acheter des choses de elle. OK. OK, avec ton karma. Parce que oui, tu vas te faire générer des points de karma quand tu fais des bonnes actions. OK. Donc, tout ça est en même temps. C'est très facile de se perdre. Mais moi, c'est ce que je trouve chapeau à Guild Wars pour dire, écoute, t'es complètement dedans, t'es perdu, mais tu peux tout faire, tu peux décider de rien faire, tu peux juste rester dans un spot, puis écoute, il y a de tout pour tout le monde. Là. OK, tu peux faire ce que tu veux. Oh, oui, mais une personne qui veut suivre étape par étape, puis qui ne sait pas où se garrocher, C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que t'as trop d'affaires. Parce que t'en as vraiment trop. Et puis, okay. Une fois que tu le fais, tu peux même le refaire. Tu peux attendre quelques minutes de temps. Une autre personne va le réactiver, ça. Exemple, tu dois déplacer, tu dois aider quelqu'un, il doit transporter des vivres d'un endroit à l'autre, mais il va se faire assiéger. Écoute, le chemin, tu le trouves long. Parce que 3-4 fois, tu te fais assiéger par des centaures, puis ils ne te ménagent pas, là. Tu meurs, puis tu te fais revivre, puis faut être prêt à mourir. OK? OK. Mais au niveau de l'action, c'est toujours une barre avec, comme je te disais, 5 habiletés, mais tu débloques aussi des utilités qui vont t'aider, des fois un genre de boost aussi, là, pour faire ta barre qui est complète à 8. Ce qui était comme dans Guild Wars, tu avais juste le choix de 8 habiletés en même temps. Mais ils ont refait essentiellement la même chose, mais chaque personnage, tu peux guérir. OK. Tu sais, au lieu d'avoir juste le cléric, là, le prêtre qui va guérir, tout ça, même en étant magicien, tu as un skill qui te permet de te régénérer. De guérir aussi. Oui, okay. Mais il y a aussi, dans la barre d'action, une touche où si tu appuies deux fois, exemple, sur les flèches, ouais. Tu vas faire une roulade. OK. Pour éviter les coups. Et c'est là qu'une personne qui ne connaît pas le jeu d'entrée puis qui n'est pas habituée comme toi, que tu peux te frustrer. Parce que tu vas mourir souvent si tu ne maîtrises pas ça. OK. Fait que c'est quelque chose d'essentiel, là. Mais ça veut dire que c'est plus... Ils ont fait ça un peu plus comme un jeu d'action. Action. Qu'un MMO régulier où ouais. que tu bouges ou que tu bouges pas, tu manges tes dommages pareil. C'est ça. Par exemple, Star Wars, tu as beau te mettre à courir, tant que tu es dans l'espèce de cercle où ce que l'ennemi peut t'attaquer... Ils vont venir te chercher. Tu vas avoir le même nombre de points de dommages que tu vas perdre. Même si tu te sauves de lui, ouais. Tu vas toujours avoir ton moins 500, mettons, que tu aurais eu, même si tu es collé à 2 pouces de lui. Tandis que jeu-là, si tu fais une roulade, tu peux esquiver ce coup-là. Oui. OK. Exact. Donc, tu vas... Puis, c'est primordial de maîtriser ça. Si on veut apprécier le jeu et ne pas être considéré comme, justement, un novice. Mais encore là, des fois, les novices vont... Les gens qui jouent comme toi, presque pas, ou qui débutent, ils peuvent se décourager avec ça. Moi, je dis persévérer. Mm-hmm. Ça vous donne une bonne façon d'apprendre, puis tout ça. Puis lorsque tu vas pogner un autre jeu qui n'aura pas ça, mais tu vas dire, coudonc, c'est donc bien trop facile. Okay. Donc, c'est juste accrochez-vous. Mais ça n'en vaut la peine. Là. Donne une chance. Donc, c'est sûr, pour revenir au niveau du solo, comme je disais, on est loin du solo total. Mais oui, c'est possible. Mais moi, j'aime bien... Moi, je suis un petit peu perfectionniste dans ce sens que j'aime bien essayer de décrocher. Toi, tu le fais avec ta Xbox, les succès. Moi. Ouais. Mais moi, j'aime bien faire des achievements dans les jeux puis de sauter une quête qui semble être primordiale. Je trouve ça poche à cause que tu dois être 5. Là. Mais dans le pire des cas, on va s'associer avec d'autres. Le seul problème avec ça, c'est comme dans tous les jeux qu'eux s'attendent, les autres joueurs vont s'attendre à ce que tu sois bon. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que si tu vas te regrouper avec eux une fois, puis tu flopes, tu ne joues pas ta classe comme il se doit, mais ils vont pas te réinviter. Ouais. Tu comprends? Parce qu'ils vont dire, hey, eux autres, là, pouf, pouf, c'est pas fort. Surtout que moi et ma partenaire de jeu, là, on joue souvent des magiciens tous les deux. Ben, on se complète pas vraiment. C'est qu'à deux, on est très puissant, mais pour une compagnie, c'est-à-dire un party, mais eux vont peut-être devoir, donc, à ce moment-là, avoir vraiment un guerrier qui va agir en tant que tank, tout ça. Mais on est loin de la trinité, là, de ce qu'on a besoin de vraiment d'avoir un tank, un mage, puis un clerc, là. OK, un clerc. Ouais, t'es pas obligé. T'es pas obligé parce que tout le monde peut revivre tout le monde. Okay. Une fois que t'es à terre, moi, je peux prendre le temps d'essayer de te revivre. Ça prend du temps, mais si je me fais tuer aussi, c'est pas mieux. Mais en tout cas, fait que tout est possible, là. Fait que. Tu peux réanimer pendant une bataille? Tu peux réanimer pendant une bataille. Ce qui n'est pas, conseillé, mais s'il y a d'autres personnes qui vont être en train de les battre, ça te laisse le temps de toi de revivre. T'sais, parce que tu n'es jamais tout seul. Là. C'est ça qu'il faut que tu oublies. Vraiment, le MMO est fait qu'il y a un événement qui se passe là, puis tout le monde se garoche là. Là. Fait que tu as toujours Ouais, c'est rare. Puis aussi, quand tu meurs, tu vas avoir une tête de mort sur la mini-carte. Un joueur est tombé. Fait que si ça fait trop longtemps qu'il est là, puis lui, il attend que quelqu'un passe. Mais tu peux aller à sa rescousse, mais il faut que tu fasses attention parce que si tu es niveau 5, puis Landrowski est niveau 10, tes chances de survie juste pour essayer de le sauver, c'est ridicule. Nice. Ouais, c'est ça. Donc, c'est de la stratégie, écoute, vraiment là, fantastique. Okay. Donc, comment ai-je réussi ce tour de force de jouer durant tout le week-end? Eh bien, non. Blizzard, pensez au fait quand même. Tu sais, quand on a voulu jouer à Star Wars, ça a pris du temps. On était 3 heures en attente dans les queues et tout ça. Il a vraiment bien pensé. Il pensait qu'on pourrait passer là. Tu parles de Blizzard, tu parles de NCSoft, tu parles de Guild Wars. Oui, excuse-moi, NCSoft, okay. Pardon. Okay, oui. Bon. je n'ai trop les ici, là. C'est ça. Fait que maintenant, ils ont utilisé une copie conforme du jeu. que lorsque le serveur est trop plein, il vous demande de, si vous voulez aller dans une zone, un genre de buffer, okay, une genre de copie conforme. Zone d'attente, là, un genre mais de... c'est pas de l'attente. C'est que tu peux quand même faire tes quêtes, tu vas quand même monter de niveau, puis ça va se transférer lorsque tu vas aller vraiment dans le serveur. OK, c'est brillant. Ça. C'est très brillant. C'est très bien pensé, OK, pour un joueur solo. OK. OK. Lorsque tu joues avec quelqu'un d'autre, lorsque tu finis par entrer dans l'endroit où tu es supposé, c'est-à-dire vraiment dans le jeu, où ce que c'est prévu. Ton serveur, là. Il y a des chances que tu ne vois pas ou que tu ne te sois pas à la même endroit. Donc, dans un, comme on dirait que c'est un autre canot, un autre channel différent que ta partenaire. Donc, lorsque tu dois faire ce que j'ai réussi à apprendre par moi-même, c'est que tu appuies sur le bouton H qui est ton héros. Tu sais, au lieu de C pour character, ouais, c'est H. Et là, tu vas voir, il y a une option PVP, joueur contre joueur. Tu cliques dessus, tu te fais automatiquement transférer en zone PVP. Tu dois te téléporter à un autre endroit qui s'appelle l'Arche de Lyon, qui est une grande, grande ville, là, même que dans Guild Wars, parce que c'est les mêmes maps, hein, faut penser, c'est la même zone qu'ils ont retravaillée. Là. Okay. Fait qu'on va se retrouver assez quand même bien, mais ils l'ont redessiné. Là. Mais après ça, il faut que tu marches longtemps, jusqu'à temps que tu débloques les d'autres portails. Tu dois reprendre un autre portail à partir de là-bas, pour aller à Divinity's Reach, qui se trouve être le premier village, l'endroit où tu es. Et après ça, donc tu te retrouves à l'intérieur de cette ville-là, mais aussitôt tu essaies de sortir, tu as des chances encore, que même avec ton partenaire, que tu ne te vois pas. OK. C'est très long, très épuisant, très frustrant. Donc, moi, ce que je leur suggère, écoute, l'idée est formidable. Là. Mais c'est pas ça le temps. Moi, je joue à ce jeu-là pour jouer en équipe. Ouais. Jouer solo, ça serait une autre chose. Et j'en ai un autre qui est parfait pour moi pour jouer solo, qui s'en vient, dont je vais parler. Mais c'est vraiment fait pour être en équipe. Là. Puis à ce moment-là, j'espère qu'ils vont faire d'autres canaux. Dans les jeux comme Eden Eternal, justement, tu vois, quand tu viens pour te loguer sur le serveur, il y a canal 1, 2, 3, ouais, 4, 5, 6. Fait que tu peux te retrouver. Ils peuvent faire ça. Donc, c'est ça. C'est un bémol parce que, bon... comme je l'ai pas mal tout expliqué, là, j'espère qu'ils ont dit qu'ils allaient travailler dessus. Fait que j'espère, lors de la prochaine Beta Weekend, qu'ils vont en avoir un autre, donc j'imagine, dans le prochain mois en cours, dans ce mois-ci, là, en mois de mai, peut-être vers la fin de mai. C'est pour ça que je te dis que je ne sais pas au niveau des dates, là, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'espère qu'ils vont avoir au moins corrigé ça. Là. Donc, c'est pas mal ça en gros, qui résume mon week-end. Écoute, c'est juste cette coche-là. Moi, j'enlève rien au niveau du jeu. J'ai de bons espoirs. Parce que si tu me fais en sorte que tu règles ce problème-là, je fonce à 100%. Là. Écoute, c'est, même malgré le fait que les graphiques ne sont pas, pour moi, top, le jeu est très bon. Là. Okay. C'est vraiment une réussite. Là. Donc, chapeau. Et puis, je vais terminer cette critique de ce jeu-là par Ride the Lightning! Ceux qui vont jouer vont comprendre pourquoi. C'est vraiment capotant. OK. Finalement, t'as réussi à faire quoi pendant ton... t'as joué combien d'heures à peu près? Puis t'as réussi à monter ton personnage à quel niveau? Puis t'as-tu réussi à finir toutes les quêtes qui étaient disponibles pour la bêta? Ou... J'aime pas vraiment foncer au max au niveau des bêtas parce que je me garde tout le temps du jeu pour moi, parce que je sais que je vais jouer. Lorsque je vais jouer, je me garde un buffer. Je suis allé à peu près... jusqu'au niveau 10-11. OK. OK, qui est quand même pas mal. Là. Fait que j'ai quand même joué durant le week-end. Là. Il y a eu des pauses que lorsqu'on était trop frustré et ça marchait pas, on arrêtait, on repartait 3 heures plus tard. Fait que je pourrais, facilement une bonne dizaine d'heures. Jouer une bonne dizaine d'heures, oh, peut-être monter après 11 niveaux. Ah oui, mais on prend le temps de découvrir, on prend le temps de savoir qu'est-ce que c'est, tout ça. C'est quand même. Il y a du contenu. Là. OK. Puis ils préparent peut-être déjà des extensions, hein, on ne se le cache pas. Donc, je suis convaincu que c'est c'est un bon punch pour eux. Puis il faut rappeler au monde qui veulent jouer un MMO, mais qui ne veulent pas payer 15$ par mois, Guild Wars, vous le payez une fois, puis c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de frais mensuels pour jouer. Vous achetez le jeu, qui va être environ 60$ à version régulière, puis vous jouez jusqu'à temps qu'ils décident de fermer le serveur. Ça ne coûte rien à chaque mois. Mais... Les microtransactions. C'est ça. Ils ont rajouté les microtransactions. Okay. Donc, si tu veux toujours... ils disent que ça ne fera pas une différence au niveau des autres joueurs casual ou ceux qui ne payent pas. Mais de ce que j'ai pu voir, ça va faire quand même une différence. On ne peut pas se le cacher. Si tu as des boosts pendant une heure qui va te doubler ou qui va te donner 50% de plus de points d'expérience, c'est quand même 50% de plus. Ouais. Donc, tu vas plus vite, c'est... Ouais, mais franchement, je m'en sac complètement qu'ils fassent ça. En autant que tu joues pas PVP, ça t'affecte pas. Parce que si tu fais la quête, puis toi, tu décides de t'acheter un pouvoir qui va faire que tes XP vont être doublés pendant que tu joues. Mm-hmm. Je veux dire, si tu joues pas PVP, tu montes pas plus... Tu montes plus vite. Ouais, mais tu montes plus vite, mais en PVP... Ça affecte si tu joues une personne plus fort que toi, un personnage qui a une meilleure épée, un personnage qui a une meilleure armure, ça va t'affecter. Si tu fais juste des quêtes en co-op, puis que la personne est avec toi, je veux dire, d'un autre côté, ça change pas grand-chose qu'il soit boosté, qu'il soit plus fort. En autant qu'il te tue pas. Ouais, mais ça change du point de vue, c'est parce que toi, tu es casual. Ouais. Nous, en étant hardcore, on a l'esprit de compétition, on veut atteindre le but. Tu sais, comme c'est pas avant tout le monde, mais c'est en même temps que tout le monde, puis tout le monde va suivre cette tangente-là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont acheter, là. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont faire de l'argent, ils ont bien pensé, là. Mais, oui, t'as raison que si c'est quelque chose qu'on joue comme 3 fois par semaine, comme Star Wars, qu'on prend notre temps avec ces personnages-là, moi, de mon autre côté, je me crée un autre perso, puis lui, tu comprends? Fait que c'est une question de perception. Mais on se le cachera pas, là. C'est de la compétition et puis l'avantage, même en joueur contre l'environnement, ce que tu dis que c'est pas joueur contre joueur, parce que oui, ton point est très valide. Joueur contre joueur, celui qui est plus haut niveau ou qui a plus d'équipement, va avoir un avantage. Exactement. C'est clair, là. Mais même contre les monstres aussi, lorsque tu vas voir être 2 niveaux de plus, puis tu vas tuer des monstres pour aider ton collègue qui est 2 niveaux de moins, ça va être plus facile quand même pour toi, là. C'est ça. Fait que c'est la même dynamique pour moi. De dire, moi, je pense pas joueur contre joueur. Je pense même dans l'environnement. Puis, je vais peut-être même acheter pour aussi les encourager. Mais je l'ai déjà fait aussi en achetant. Ou, ben, moi, j'ai eu la chance d'avoir un beau cadeau de Noël. Ouais, d'avoir un beau petit collector edition gratuit. Noël en retard. Merci. C'est fantastique. J'ai hâte de te déballer. Ouais, c'est ça. Mec, ça, tu vas pas avoir ta statuette. Et c'est à peu près ça. OK. Ok, donc on va maintenant parler d'un MMO qui, oups, surprise, n'est pas un MMO. Mais oui. Diablo 3. Mais oui. Il me semble que c'est déjà vu. Ben, me semble. Puis t'as eu la chance d'essayer le bêta qui était ouvert à tout le monde. Qui était ouvert à tout le monde durant ce week-end. Tout le monde qui voulait, c'est ça, tout le monde qui voulait télécharger le client pour Diablo 3 aurait pu jouer à Diablo 3 cette fin de semaine-là. Fait que si vous vouliez jouer à Diablo 3 parce que vous l'attendez ce jeu-là, ben, vous avez manqué quelque chose. Mais il va en avoir d'autres, sûrement. Quoi que le 15 mai, il reste juste 2 semaines. Ben, je dirais juste 10 jours. Ouais, fait qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est plate pour vous autres. C'est ça, too bad. C'est 60$. Ouais, ça va vous coûter 60$. Ouais. Mais il n'y a pas de problème là-dessus parce que moi, je l'ai déjà acheté. Mais donc, c'est ça. Que puis-je dire? J'ai hâte au 15 mai. On revient, c'est sûr, au hack and slash d'antan. Pour ceux qui aiment, on ne sera pas déçus. Pour ceux qui n'aiment pas, ben, vous pouvez peut-être skipper à mon prochain petit... C'est intéressant, c'est intéressant pareil. OK. Moi, j'ai beaucoup aimé Torchlight, qui est beaucoup comme un Diablo. Qui dont d'ailleurs s'en vient aussi, Torchlight 2. Oui, je l'ai déjà acheté. Tu l'as acheté toi aussi? Je l'ai précommandé. Ah bon, bravo. En passant, c'est juste 20$. C'est le même principe que Guild Wars. Ouais. Et Diablo aussi. Une fois qu'on l'achète, on n'a plus besoin de payer tant par mois. Là. Non, puis moi, je vous conseille, si vous ne l'avez pas, puis vous voulez l'avoir, achetez-le sur Steam. Parce que quand vous achetez Torchlight 2, ils vous donnent Torchlight 1 gratuit. Oh, d'accord. Sur Steam. Mais j'ai déjà Torchlight 1. Ouais, mais pour les gens qui ne l'ont pas, ouais. Achetez-le parce que c'est des heures et des heures de plaisir. Là. Vous allez jouer longtemps à Torchlight, l'histoire est assez longue à faire. Puis c'est dans le même principe que Diablo. Oui, c'est très semblable. Les graphismes sont très beaux, puis le jeu est bien intéressant. Fait que ouais. Si vous voulez avoir Torchlight 2 qui est 19,99 sur Steam, achetez-le. Si vous voulez le jeu, achetez-le sur Steam parce qu'ils vont vous donner le 1 gratuitement si vous ne l'avez pas. Ah oui, puis pour 20$, je le recommande. C'est quand même un MMO, c'est quand même bien fait. Écoute, mais Torchlight 1 est un jeu single. Seulement un joueur. C'est ça. Le 2 va avoir du multijoueur. Fait que ça va être intéressant. C'est pour ça que je peux l'intégrer dans le MMO. Ouais. Okay. Fait que, mais c'est ça. Fait que là, on parle de Diablo 3. On parle de Diablo 3. Alors, c'est ça. J'ai terminé la bêta. Dont je me suis affiché fièrement sur Facebook avec mon petit « Vous avez complété le bêta, félicitations ». Le niveau maximum était 13 dans la bêta. Okay. Mais comme je t'expliquais un petit peu auparavant, je me suis gardé des surprises afin de découvrir les autres habilités qui vont arriver d'ici une dizaine de jours. Là. Ouais, donc ça ne me dérangeait pas, mais j'ai aimé ce que j'ai vu. Donc c'est ça, fidèle à moi-même, parce que bon, pas parce que je suis célibataire, hein, mais plutôt parce que j'aime jouer les mages et sorciers dans tous les jeux, j'en ai eu pour mon temps. laissez-moi vous dire. Et okay. Non pas pour mon argent, parce que ça c'est gratuit, c'est gratuit. C'est ça. Mais t'as déjà payé pour pareil. Oups. J'ai testé le multijoueur aussi, avec ma partenaire de jeu. Okay. Et les monstres s'ajustent donc selon le nombre de personnes qui jouent en même temps lors d'une session. Il y en a plus ou sont plus forts? Ils sont plus forts. OK. Il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas plus. C'est trois monstres, mais au lieu d'avoir trois monstres du niveau 10, c'est trois monstres du niveau 20. De ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Okay. J'aimerais bien avoir cette surprise-là aussi, d'avoir plus de monstres, mais je suis convaincu qu'on va déjà être assez rassasié. Il y a un max de 5 joueurs. Donc, non, j'imagine que c'est ça. On dirait qu'ils ont voulu un joueur par classe, parce qu'il y a 5 classes dans le jeu. Donc, on dirait qu'ils ont pensé à ça pour dire qu'il y a un team, un de chaque, puis... Tu fais une équipe, tu y vas, là, puis let's go. Alors, on avance, on se fait surprendre. Les cinématiques sont OK. OK, pas plus que ça? Ben, sont à jour. Pour moi, là, maintenant, je vois tellement trop de cinématiques que ma barre est rendue comme... Elle a baissé d'une coche. Fait que pour moi, c'est correct, là. C'est pas mauvais, là. Donc, on trucide avec un sourire aux lèvres parce que comme un fléau de grenouille tombant du ciel, on a droit à un amas de cadavres savoureux. Mm-hmm. C'est ça, donc c'est ça. J'ai pas vérifié comment vendre des objets, comment le fait de pouvoir. Parce que là, ils vont ouvrir la possibilité que lorsque tu vas débloquer un certain objet, tu auras la possibilité de le vendre, mais en réel, pour de la vraie argent. Je sais pas si tu étais au courant de ça. Là. Ouais, j'ai entendu parler. Je sais pas comment ça va nous permettre de nous enrichir. Ça va être à suivre. Je pourrais peut-être en parler lors d'un prochain podcast. Quand le jeu sera sorti. Mais que du bonheur. C'est vraiment, pour les hack and slash, là, ça reste Diablo. Moi, j'imagine que ça va être assez simple. Ils vont t'offrir. À partir d'un certain montant, dépose ça dans ton compte PayPal, puis ils vont se garder un pourcentage. Oui, ça a déjà été prévu. C'est sûr qu'ils en ont parlé, mais de savoir vraiment, est-ce qu'il y a du monde qui vont s'enrichir avec ça? Y a-t-il du monde qui vont vraiment passer plus de temps à vendre? Parce que pour pouvoir vendre, il faut que tu les débloques. Puis pour débloquer les items que les gens vont trouver qui vont avoir une certaine valeur, il va falloir que tu progresses assez rapidement. Il y a pas des week-end, ils vont jouer 48 heures, là, j'imagine. Il n'y a pas des places qui font du farming épouvantable en Chine. C'est dans toutes les MMO. Ils vont faire ça pareil pour Diablo, surtout que là, c'est de la vraie argent. Ouais, exact. Ça, il va y avoir sûrement quelqu'un qui va... Mais c'est pour ça que la Corée avait dit non, là, aussi. Pour empêcher, justement, que les personnes accrochent, puis tout ça, parce qu'il y a eu déjà des personnes qui sont décédées suite à des MMO. Hein. Non, on n'en parlera pas, mais... Google est votre ami. Là. C'est des petites choses qui. Moi, je trouve qu'il sort du ridicule. Là, mais, non, ça sort pas dans le ridicule, ça rentre dedans. C'est ouais, extrêmement ça ridicule. Ça ressort du ridicule. Bref. Comment? À pleine face dans le ridicule. Ouais, pas mal. Ah, écoute. Ça reste. Moi, je dis le jeu. Moi, je suis accro au jeu, mais ça reste un jeu. Donc, je suis capable de faire la part des choses pour dire s'il y a quelque chose dans la vraie vie qui arrive, ben, je suis capable de mettre ça de côté. Là. Pour vrai? Ben, non, okay. Pas encore. J'essaie, je travaille fort. Il essaie de se convaincre. Je suis capable de trouver des patchs. C'est ça. Je suis capable. C'est pour ça que t'es encore célibataire. Ouch! Alors, mesdames, pour les intéresser, sinon c'est le bâtard. Ouais, elle parle pas fort, mais quand elle parle, ça frappe. Nous prendrons les applications aussi. Hey, OK, on arrête ça là. Donc, c'est ça. Je disais aux amateurs que du bonheur, moi, je vous suggère fortement de l'acheter. Si tu veux attendre un peu, je t'émoustillerai un petit peu. Je vais attendre beaucoup. Bon, attends beaucoup. Axel World. Qu'est-ce que c'est? Bon, tu vas sûrement faire... Ça rapport avec Guns N' Roses? Non. Ben non, c'est pas Axel là, c'est A-C-C-E-L. Ah, OK. Une science-fiction, action générale pour tous. Ben oui, c'est un animé. Bon, c'est parfait, ça. Tu vas pouvoir justement leur donner un petit bref aperçu de l'ouverture. Oui. Avec un petit 20 secondes là, d'aperçu. Ça se passe en 2046. C'est encore un petit peu quand même proche maintenant. Hein? Le futur pas si lointain. Ah, ouais. Un garçon dénommé Haruyuki rencontre une gentille dame appelée Koruyuki Hime. Et pour ceux qui ne le savent pas, en japonais, Hime, ça veut dire princesse. Donc, ils ont attribué ce petit nom-là, toute cute. Elle est jugée donc par les garçons de l'école comme étant la plus belle. Évidemment. Mais c'est sûr. Haruyuki est un jeune garçon qui se fait souvent intimider. Cette rencontre, par contre, change sa vie. Ah. Grâce à un logiciel mystérieux que la fille lui donne... Microsoft Windows. Windows 8. Haruyuki apprend l'existence d'un monde virtuel appelé Axel World. OK. Comme vous pouvez l'imaginer, le garçon donc qui se fait maltraiter dans le monde réel devient un valeureux chevalier dans le monde irréel, se portant à la défense de sa princesse. Et non, ce n'est pas Nintendo qui a créé cet animé. OK. C'est pas Mario qui va chercher la princesse. Elle est... Oh non, Axel, la princesse est dans un autre château. Ouais, c'est ça. Jusqu'à maintenant, il y a juste 5 épisodes de sortie. C'est pour ça que je vous en parle là. Parce que c'est tout frais. Je vous suggère de les écouter tous parce que ça, comme justement, ça prend du temps avant que ça se développe. Mais là, ça se développe vraiment bien. Puis on a... là, j'ai accroché. Écoutez, à voir. Fait que c'est pour ça que je vous en ai parlé. Là. Ça a l'air de quoi? Graphiquement? Ben, c'est là qu'au niveau, écoute, des animés, j'ai de la misère à pouvoir expliquer, savoir, contrairement au niveau des jeux, ça reste pas mal tout, pas mal pareil. À moins que tu le regardes en HD, là. Mais c'est, non, mais c'est-tu vraiment cartoon à la Naruto, ou ça a l'air plus, les dessins ont l'air plus réels? Non, c'est... non, c'est plus à la Naruto, dans le même style que le style que j'aime aussi, que toi, tu t'es comme ambigu, là. Mais oui, c'est, ça se rapproche plus de Naruto, là, les gros yeux et autres, là, okay. Tout ça, là. Mais qui donne plus d'expression, oui. Dont on avait déjà discuté. Mais oui, c'est, donc ça reste dans le même style. C'est, ça vient de sortir. C'est comme c'est moi un parmi ceux-là à voir. J'en parlerai peut-être lors d'un prochain podcast avec le crâne rasé. Peut-être, oui. Mais d'ici là, c'est ça. Amusez-vous, tout le monde. Et on va peut-être se voir dans Diablo. Parce que ce qui va être le fun aussi, c'est qu'on a créé une certaine entité. Que par ton nom, avec un point qui ont rajouté 4 chiffres, tu es capable de pouvoir te linker avec la personne puis demander si tu veux faire un party ou pas. OK. À suivre. Fait que les gens pourraient te retrouver dans et le monde effroyable de Diablo. Ouais, c'est pas Disney, là. Fait tu es des petites bébites. C'est plus effroyable que le monde merveilleux de Disney. Mais c'est le fun. Tu tues un cadavre puis il est pas encore mort puis il marche encore. Écoute, c'est le fun. Faut que tu le tues 2 fois. OK, non. OK, on en reparle. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Donc, Eric. Oui, c'est à ton tour. Salut, salut! Et voilà, bien, cette semaine, ce mois-ci. Oui, c'est plus ça, ouais. Oui. Je vous parle d'un jeu qui a beaucoup de ramifications dans l'histoire du jeu vidéo, c'est-à-dire la série Wolfenstein. Oui, on en parlait justement un petit peu avant de commencer. Oui, qui est plusieurs séries, en fait, vous allez voir. Wolfenstein, c'est un jeu qui, tout le monde... Pour les plus jeunes, et pour beaucoup de monde, ça a commencé avec Wolfenstein 3D, ce qui est complètement faux, parce que la série commençait avant ça avec deux jeux, en 1981, avec un jeu qui s'appelle Castle Wolfenstein, qui est le jeu original. Yes, sir. Et un jeu qui était sorti sur Apple II, hein, dans le temps qu'Apple avait des jeux. Ben, il y en a plus qu'il y en avait dans le temps à Star à cause de Steam, surtout. Oui, mais tout le monde dit ça, mais dans le temps, Apple II, bizarrement, c'est la plateforme qui avait presque le plus de jeux. Je sais que les programmeurs, dans le temps, aimaient bien le Apple II, donc ça devait être une raison. D'ailleurs, le jeu était sorti sur Apple II avant de sortir sur MS-DOS. OK. Le deuxième jeu s'appelle Beyond Castle Wolfenstein, oui, donc au-delà. C'était excellent. Oui, qui est en fait exactement la même chose. Le jeu est sorti 3 ans plus tard, mais il y a presque aucune différence. Là. La seule différence, c'est l'histoire. La mécanique de jeu est exactement la même chose. Ouais, ben, ouais, mais t'avais plus de choses. Il me semble que dans le premier, t'avais pas de grenade. Dans le deuxième, t'en avais. C'est sûr que c'est gros à dire, là, mais le graphisme était beaucoup plus beau dans le deuxième que dans le premier. J'imagine. Même si c'est extrêmement laid, là. Oui, je pense que j'avais un écran EGA à l'époque. J'étais ébahi des quatre couleurs. C'était vraiment excellent de voir que ton bonhomme était capable d'avoir une couleur différente les murs. Quatre couleurs, sharp à innover. C'est ça. Non, c'était... Mais Beyond Castle Wolfenstein, j'ai beaucoup plus aimé ce jeu-là que le Castle Wolfenstein. Puis comme je disais à Eric avant qu'on commence le podcast, ça a été un des jeux que j'ai passé le plus de temps à jouer. Je sais que les jeunes vont regarder ça aujourd'hui, ils vont dire « Ah, tu jouais à ça? » Mais... J'ai joué à pire. C'est ça, mais la mécanique de jeu était pas mal égale à ce qu'on retrouve dans des jeux qui sont assez évolués aujourd'hui, là. Donc, oui, puis d'ailleurs, les deux premiers jeux ont été faits par un studio qui s'appelait Muse Software, oui. Qui n'existe plus aujourd'hui. Non, ils n'ont pas fait grand-chose non plus. Oui, parce que tout le monde associe tout le temps Wolfenstein à ID Software, mais en fait, c'est que la licence, les droits sur le nom Castle Wolfenstein ont expiré. Et Muse ne les a pas gardés. Et donc, Wolfenstein 3, quand ils ont fait Wolfenstein 3D, ID, ils ont juste repris le nom parce qu'il y avait... Ça appartenait plus à personne. D'ailleurs, il y a plein de clins d'œil aux premiers épisodes de Wolfenstein dans Wolfenstein 3D. Les gars qui ont fait Wolfenstein 3D étaient évidemment des grands amateurs de la série Castle Wolfenstein, donc c'est un peu pour ça. Je vais mettre sur le site en complément des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube. Il y a des gens qui font des espèces de critiques de Castle Wolfenstein. J'en ai trouvé deux d'ailleurs qui sont assez hilarantes. Fait que je vais les mettre sur le site pour que les gens aillent les voir. Ça me sert à rien de faire un résumé de toute l'affaire. C'est juste aller voir ça. Ouais. Mais vite, on peut dire que c'est un jeu, écoute, ça a été fait dans les années 80. Donc, c'est une espèce de vue de haut avec notre personnage qui se promène, mais avec personnage de côté, genre. Ouais. Alors, on se promène d'une pièce à l'autre et le but, évidemment, dans le premier jeu, c'est de s'échapper du Castle Wolfenstein. Donc, on essaye de s'évader. C'est un jeu qui était très, très avancé pour l'époque, comme on en parlait tantôt, Luc. Mm-hmm. Il y avait des affaires surprenantes pour en 1980 là-dedans. Entre autres, la première chose qui était on pouvait sauver où on était rendu et reprendre plus tard. Oui. Ça, je pense qu'il n'y avait personne qui avait fait ça encore. La deuxième chose qui était impressionnante, c'est qu'il y avait des voix dans le jeu. Mm-hmm. Puis ça, c'était une autre affaire. Je pense à l'époque, il y avait le Intélévision qui nous permettait de faire ça, puis c'était à peu près tout. Là. Il n'y avait pas grand-chose, comme vous, on s'entend. Là. C'était assez terrible là, à écouter. Là. C'était tout le temps les soldats allemands qui répétaient la même chose. Oui, mais c'était mieux que rien. Oui, mais à l'époque, on était sur le cul. Ah oui, c'était incroyable. Il y avait, en plus de ça, il y avait toutes sortes de différentes armes qu'on pouvait utiliser, ce qui était aussi super rare actuellement. À l'époque, on avait un tire-poids dans les jeux, puis on tirait des petits points blancs qui traversaient l'écran super lentement, puis qui essayaient de tuer nos ennemis. Dans ce jeu-là, on pouvait prendre des fusils, des grenades. On pouvait chercher les corps des personnes qu'on avait tuées. Ramasser ce qu'il y avait dessus, ouais. C'était presque un RPG, en fait, avant le temps. Mm-hmm. On pouvait fouiller des coffres-forts. On pouvait tirer sur les coffres-forts de notre fusil, comme pour casser le cadenas pour les ouvrir plus vite. Sinon, il fallait attendre un certain temps que le cadenas s'ouvre. Ensuite, il y a une autre affaire qui était super le fun, c'était que tout était généré de façon aléatoire. Donc, si on recommençait une partie, les ennemis n'étaient jamais à la même place, il n'y en avait jamais la même quantité et il n'y avait jamais la même chose dans les coffres. Donc, ouais. Tu ne pouvais pas te dire, oh, le troisième coffre, la quatrième pièce, il y a des balles dedans. Non, tu arrivais et il n'y avait rien dedans, tu sais. Fait que c'était tout le temps différent. Fait que ça, c'était pour l'époque, là, c'était fort parce que ça prenait beaucoup de force de calcul au pauvre processeur 286 de l'époque. Ouais. D'essayer de rouler ça. Parce que tu pouvais même déplacer le cadavre pour aller le cacher. Parce que si, mettons, tu avais trois gardes qui faisaient une ronde dans ce tableau-là, bon, les gardes avaient toujours le même pattern de mouvement jusqu'à temps qu'il y ait un objet qui aille en avant d'eux autres, ce qui est quand même assez intéressant. Parce que, ouais, si, mettons... Il montait de haut en bas, t'allais te placer en avant de lui, aussitôt qu'il te frappait, au lieu de monter de haut en bas, il bougeait de gauche à droite. Fait que tu pouvais faire changer son pattern de mouvement pour aller tuer l'autre garde qui se cachait en haut, au couteau, sans que l'autre l'entende. Puis là, tu cachais son cadavre pour être sûr qu'il le trouve pas. C'était... C'est du Assassin's Creed. Il y a des jeux aujourd'hui qui sont même pas... Il y a des jeux aujourd'hui que l'intelligence artificielle est même pas aussi bonne que ça. Comme Simon disait, c'était un précurseur à Assassin's Creed. Oui, précurseur à plein de choses. En fait, il y a beaucoup de gens qui le comparent à Splinter Cell dans le sens où tu pouvais te promener sans réussir à tuer personne. Ah ouais. C'était un des défis à l'époque aussi, c'était réussir à ne pas tuer personne, parce que surtout que les balles étaient assez limitées. Donc, extrêmement. Oui, puis il y avait une chose qui était super intéressante aussi, c'est qu'on pouvait juste menacer un garde du fusil sans le tuer. Oui. Tu pouvais juste pointer le soldat ennemi avec ton fusil et le fouiller avant de le tuer. Ouais, t'avais une personne assise à un bureau que tu pouvais le menacer avec un fusil, puis là, lui, il avait toujours un bouton d'alarme en dessous de son bureau, fait qu'aussitôt que tu baissais le fusil, il partait l'alarme, puis ce qui était écœurant dans ce jeu-là, qui était super innovateur, puis encore aujourd'hui, il y a des jeux qui ont de la misère à faire ça, t'avais beau te sauver, puis t'en aller dans une autre pièce, le garde qui te courait après, là, si tu pognais un garde SS... Il changeait de pièce pour venir te chercher. Là. Ouais, les SS, par exemple. Les autres, ça ne le faisait pas, mais ouais, quand tu prenais un SS qui était facile à spotter parce qu'il y avait un gros gilet vert écrit SS dessus. Ouais, il te cherchait. Fait que tu avais beau changer trois pièces plus loin, si tu attendais dans cette pièce-là, il venait te ramasser. C'était incroyable. Aujourd'hui, en voyant ce qu'il y avait comme jeu dans ce temps-là, quand moi je jouais ce jeu-là, je trouvais juste ça normal. Mais aujourd'hui, à regarder avec un recul, je me dis, les gars qui ont programmé ce jeu-là, c'était quasiment des génies. Là. Exact. Ça n'existait pas dans ce temps-là. C'est vraiment... Puis, tu parles aux trois quarts du monde, ce jeu-là, passant en dessous du radar, c'est incroyable. Là. Mais c'était innovateur, comme ça n'a pas de bon sens. Oui. L'affaire qui était difficile, par exemple, c'était les contrôles. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, pour les flèches. Tu ne disais pas juste peser sur le bouton, la flèche, puis c'est... Dès que tu passais sur une flèche, le bonhomme avançait jusqu'à temps que tu lui dises d'arrêter. Ouais. Donc, des fois, ton bonhomme partait puis il collait dans un coin. Puis là, ben, ton ordinateur commençait à faire des bip, bip, bip, bip, bip, bip, parce que c'était comme si la touche était collée, enfoncée. Ouais. Il fallait que tu te dises de s'arrêter. Donc, c'est un peu comme jouer, comme je parlais dans le dernier podcast, jouer au jeu Snake. Ton cerveau avance constamment, donc tu peux pas arrêter, tu sais. Donc, ça c'était... Puis, il y avait des boutons pour chaque fonction. Donc, le clavier était presque utilisé au complet. Là. Ouais. Mais moi, je l'ai joué sur le Commodore 64 dans le temps. Fait que j'étais capable de jouer avec un joystick. Parce que tu pouvais... C'était aussi un des premiers jeux que tu pouvais tirer droit, tirer en diagonale, tirer en haut. Puis, tu pouvais faire vraiment un 360 complet avec ton fusil. Tu pouvais tuer. Les 8 positions qu'il y avait. Ouais, t'avais toutes les positions pour tirer tes ennemis. Fait que c'était vraiment. Puis comme je disais avant de commencer le podcast, quand tu m'as dit que tu parlais de jeu-là, c'était tellement drôle parce que tu t'en allais, puis là, t'avais un certain nombre de balles dans ton fusil. Puis là, tu t'en vas avec un gars qui est assis au bureau, puis tu commences à tirer dedans pour le tuer. Puis là, tu manques de balles. Fait que là, tant que tu laisses ton gun pointer dessus, t'es correct. Mais là, à un moment donné, tu dis bon, ben, garde, c'est parce que je peux. Laisser le jeu de même, puis m'en aller faire d'autres choses, puis revenir. Puis le gars va toujours avoir les bras dans les airs, mais je suis fait. Fait que là, tu baissais ton gun, puis tu te sauvais, puis là, l'alarme partait, puis là, t'avais les SS qui te couraient après, puis t'étais fait jusqu'à temps que tu retrouves des balles. Fait là, tu calcules ton affaire, puis t'avais les passes aussi que tu pouvais montrer pour t'identifier qui faisait que tu pouvais passer le jeu sans tuer personne, là. Ouais, c'était tellement en avance sur son temps. Moi, j'ai redécouvert ce jeu-là en faisant la recherche dessus. Là. Ouais. D'ailleurs, il y avait plein de choses qui étaient dans le jeu qui n'ont même pas suivi quand on fait Wolfenstein 3D. Ils ont vraiment simplifié le jeu. Ouais, c'est un shooter. Ouais, c'est ça, parce que les deux premiers, c'était vraiment tout sauf un shooter. C'était stratégie, c'était stratégie, ouais. RPG, c'était tout. Bien. Ça. Et c'est comme tu disais, c'est un des premiers jeux qu'on pouvait aussi jouer facilement avec un joystick. À l'époque, c'était compliqué configurer des joysticks pour les jeux. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, il fallait mettre un disque de driver dans le fond, dans notre ordinateur, faire un boot disque, puis mapper nos boutons à notre joystick quand on voulait utiliser un joystick sur des jeux. C'est assez compliqué. Ça, c'était vraiment plug and play, là. À l'époque, c'était du jamais vu. Ouais, non, c'était vraiment un très bon jeu. Si vous avez la chance de le jouer, je sais que ça, il n'y a aucune manière, vous allez trouver ça légalement nulle part. Des ROM, vous allez trouver en ROM, vous allez trouver à quelque part sur un site internet. Mais c'est tellement vieux que j'imagine que ça doit tomber dans l'abandonware, là, à savoir le côté non, légal de la chose. Je pense que c'est disponible. Je pense que c'est disponible, je ne me rappelle plus où. Je pense qu'on pouvait jouer sur un site de ROM à quelque part. J'ai essayé d'en trouver un, mais. Ouais, c'est ça, c'est parce que ça devient nébuleux comment légal que c'est. Là. Ouais, bon. Il y a peut-être une version Flash quelque part. Là. Mais si vous voulez vraiment le trouver, ça se trouve. Puis c'est un jeu qui vaut la peine d'être joué. Laissez pas le graphisme vous faire peur si vous voulez l'essayer. Oui, c'est okay. Lettre, ça date des années 80, mais le gameplay vaut la peine totalement des graphismes pourris que vous allez voir. Les années 80, c'était-tu en fluo? Non. Vert et noir. Ouais. Mais écoute, le descendant direct de ce jeu-là, c'est quasiment Deus Ex. Avec ce que tu peux faire dans le jeu. Sans modification, sans augmentation de ton personnage. Ouais. Si tu prenais Castle Wolfenstein là, et que tu l'adaptais en first person et puis que tu gardais toutes les options de sauver, de menacer les gens de fusil puis tout ça, il y a des jeux aujourd'hui qui n'ont même pas toutes ces fonctions-là. Fait que... Moi, mon rêve, c'est quelqu'un qui ait le goût de refaire ce jeu-là à saveur du jour. Mais exactement avec les options qu'on avait dans le temps, avec des graphismes améliorés. Ça va être un Kickstarter, puis ils vont juste avoir besoin de 300$ pour le faire. Ouais, à peu près. Mais, ils vont booter un vieux Apple II. Là, puis... Quelqu'un sortirait ça, puis moi, j'embarquerais, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, ça, c'était l'origine de Wolfenstein. Oui. Évidemment, c'est comme je disais, c'est ID Software et l'éternel légendaire John Carmack qui arrive dans l'histoire. Et pour ceux qui connaissent pas John Carmack, c'est un des probablement des programmeurs de jeux les plus vénérés de notre époque. C'est vraiment un crack là de l'informatique. Et lui, il y avait déjà des jeux qui avaient été faits en cette espèce de couloir trois dimensions là avant Wolfenstein. Mais Wolfenstein est vraiment crédité comme étant le premier parce que c'est vraiment le premier qui l'a amené à la masse, ce style de jeu là. Des jeux faits comme Wolfenstein en 3D, là. On va mettre ça entre guillemets parce que c'était pas vraiment de la 3D au point de vue de programmation. Il y en avait depuis 1973, genre, qui avaient été faits. Mais la force de Carmack, ça a été son moteur 3D qui permettait, en utilisant juste un système 2D, d'afficher des textures en 3D. Et sa force, ça avait été aussi d'être capable de faire rouler le jeu sur des ordinateurs qui n'étaient pas considéré assez fort pour pousser ce genre de technologie-là. Mm-hmm. Il a réussi à tourner les coins ronds, un peu comme dans le dernier Rage, où ils ont trouvé des façons de ne pas afficher les textures quand on ne regarde pas vers les textures. Entre autres, tout ce qui se passe, mettons dans Rage, mettons que tu regardes en avant, mais tout ce qui est dans un certain angle de vision n'est pas rendu à la même qualité graphique qu'est-ce que tu vois juste en avant de toi, tu sais. Ouais, comme les toits des buildings sont pas rendus. Ouais, tu sais, tout ce que tu vois pas, ça sera pas rendu, ou ce que tu regardes pas nécessairement, les ombres sont pas rendues, ça permet de sauver beaucoup de horsepower. Du temps de processeur. Ah ouais. C'est ça, ça permet de sauver beaucoup de force de processeur pour faire d'autres choses. Donc, Carmack avait réussi à faire ça. Le jeu, d'ailleurs, avait été programmé sur un ordinateur Next. Oui. Pour ceux qui trippent sur l'histoire de Steve Jobs, et Next, c'était la compagnie que Steve Jobs avait partie en quittant Apple. Pas en quittant, en se faisant quitter d'Apple. Quand ils ont dit « Steve, merci beaucoup pour tes bons services, va-t'en disciple. » Ouais, il est allé partir Next, qui s'est fait racheter par Apple pour des grosses sommes d'argent un peu plus tard. Ouais, c'est juste pour dire, c'est... À l'époque, Carmack avait acheté un ordinateur Next pour programmer son jeu. Là. Ouais. Aujourd'hui, les gens, pour programmer des jeux, sont obligés d'acheter des fermes de serveurs puis du temps de calcul sur Amazon. Non, c'est ça. Et puis à l'époque, c'était un ordinateur et puis là, il était capable de tout faire avec ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait de spécial aussi avec Wolfenstein? C'est que c'était une époque où on est arrivé avec le shareware, qui était une nouvelle notion dans le monde du informatique. C'est-à-dire que, un peu comme aujourd'hui, ça m'a fait penser à, aux jeux qu'on nous vend en épisode aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est que donc, on nous vendait des tableaux, on vendait une première partie du jeu, et le restant du jeu suivait en expansion, si on voulait, après. Ce qui permettait aux programmeurs de faire un jeu. Donc, si ça ne marchait pas, ben ils ne prenaient pas le temps d'en faire plus de niveaux. Si ça marchait, ben, ça l'encourageait à continuer à faire des épisodes. Mm-hmm. Donc, Wolfenstein arrive en 3 épisodes, le jeu principal, de 9 tableaux, il me semble. Le premier s'appelle Escape from Castle Wolfenstein, dans lequel on joue le personnage qui s'appelle Joseph Blakowski, de son surnom BJ. On fera pas de joke ici. Non, on garde ça familial. Donc, lui, il doit infiltrer le château pour trouver les plans de l'opération Iron Fist et évidemment s'échapper. D'ailleurs, ce premier épisode-là est disponible pour ceux qui veulent jouer sur la PS3. Pour 5$, genre, vous pouvez jouer les 3 premiers niveaux. Je veux dire, le premier épisode. Okay. Donc, on se promène dans les couloirs. Là. C'est le classique. On allait avec le couloir avec notre petit fusil, on tue des nazis, on ramasse des fusils plus gros, plus gros, plus gros. Et à la fin, ben, il y a un gros, gros boss méchant, puis il faut le tirer. C'est un jeu qui, à l'époque, était. C'est un jeu, à l'époque, qui était quand même assez. Assez révolutionnaire parce que, comme je disais, les autres jeux qui avaient été faits en 3D avant ça demandaient des très grosses machines puis n'étaient pas très aussi facile à jouer. Ça, c'était assez simple. Tu avançais, tu tirais, tu tournais. Il y avait comme 3 boutons là, à connaître. Là. Les flèches, tirer puis ouvrir les portes. C'était à peu près tout. Ouais, c'était quand même assez simple comme configuration. Tu n'avais pas 50 000 boutons à prendre. Évidemment, à la fin, on se battait contre le garde Hans, garde de la prison, et on se sauvait. Ensuite, il y avait un deuxième épisode. Spoiler, t'as oublié de dire spoiler. Spoiler, oui, 1992. Donc, le deuxième épisode s'appelait Operation Eisenfaust. Là, c'est là qu'on rentre un petit peu plus dans le Wolfenstein moderne. C'est là que l'histoire embarque un peu plus comme on la connaît, c'est-à-dire qu'on on découvre que les nazis veulent faire une armée de mutants, ce qui est maintenant la signature, si on veut, un peu des Wolfenstein. Donc, on infiltre un autre château encore et on va aller se combattre contre Dr. Schabs, qui est le nazi en chef de la recherche sur les mutants. Et ça, c'est la fin de l'épisode. C'est le combat, évidemment, avec Dr. Schabs. Et dans le troisième épisode, qui s'appelle « Der Führer der », alors imaginez-vous contre qui on se bat à la fin, et oui, contre Hitler, avec son armure robotique et ses chain guns qui se tirent dessus. C'était extrêmement difficile, le dernier boss, Hitler, parce qu'évidemment, on arrivait là avec un petit fusil, puis là, Hitler, il avait des gros chain guns. Donc, on fait juste courir en rond dans la pièce et essayer de prendre les coups qu'on peut prendre. Mais quelle satisfaction d'avoir battu Hitler. Oui, c'est ça. Après ça, il va y avoir 3 autres épisodes qui vont être sortis, qui vont être des pré-épisodes ou d'autres histoires reliées de près ou loin. Il va y avoir un qui s'appelle Nocturnal Mission, Trail of the Madman, et un autre qui s'appelle Confrontation. Pour ceux d'ailleurs qui veulent voir quelque chose de très très drôle, toutes les Hitler Reacts To qu'il y a sur YouTube, là, qui sont tous des extraits du film La Chute de Hitler. Il y a tout le temps les gens qui font des vidéos comiques en faisant dire à Hitler toutes sortes de choses là, quand il se fâche dans le film. Ouais. Hitler Reacts To Castle Wolfenstein. Là. Écoutez, ça c'est hilarant. Là, on apprend à Hitler qu'il y a quelqu'un qui s'est sauvé du château Wolfenstein puis qui a volé tous les trésors puis tué toutes les gardes. Là. C'est assez hilarant. Bon, voilà. Fait que ça, c'est Wolfenstein 3D. Ensuite de ça, dans la même année, ils n'ont pas chômé. ID, ils ont sorti une suite. Wolfenstein Spears of Destiny. Qui est un épisode où l'histoire, on s'entend... plus un but, là, c'est d'arriver à la fin. C'est pas le but de tous les jeux, arriver à la fin? C'est, Ouais, c'est comme un peu Mario quand on dit l'histoire de Mario. C'est plus un but, là, c'est d'aller prier la princesse à la fin. Ouais. Donc, Spear of Destiny, l'histoire, c'était de trouver le Spear of Destiny, qui est, qu'on appelle en français là, la Sainte Lance, là, qui est la lance qui avait servi à tuer Jésus sur la croix. Donc, les nazis ont volé la Spear of Destiny dans toute leur trip paranormal. Et là, nous, le but, c'est d'aller la retrouver. Le jeu, est, bon, c'est exactement le même moteur, là, c'est pareil. Les graphiques sont peut-être un petit peu plus beaux, là, parce qu'ils ont eu comme 6 mois de plus pour travailler dessus. Okay. Mais, grosso modo, c'est vraiment la même chose. Le jeu est beaucoup plus long, par exemple, c'était pas un shareware, donc il y a 21 niveaux, là, tout est là. Ça, c'est disponible sur ceux qui veulent jouer là, encore, là, Wolfenstein 3D, Spirit of Destiny, c'est disponible sur Steam. Ok, fait que c'était vraiment un jeu complet. Ouais, c'est vraiment un jeu complet. Mais c'est pareil comme Wolfenstein 3D, là. Attendez-vous pas un bon. Ok. Ça a été programmé sur le même ordinateur Next dans la même année. Okay. Bon. Alors là, il y a plusieurs années qui vont se passer. Return to Castle Wolfenstein sort en 2001. Et là, on arrive vraiment dans l'époque du FPS moderne, là. Comme on les connaît aujourd'hui, là, avec Medal of Honor et tout ça. Alors, encore une fois, on doit s'évader du château, du maudit château Wolfenstein. Ouais. C'est encore la même personne. En fait, avec ID Software, c'est un peu comme Doom. Quand on sort un nouveau jeu de Doom, un nouveau jeu de Wolfenstein, c'est un peu le même jeu retapé avec des meilleurs graphiques et la sauce moderne. T'sais. Ils ne se cassent pas vraiment la tête chez ID Software à créer des suites et des liens émotionnels entre les personnages. Là. C'est vraiment, bon, tu recommences dans tu recommences dans la prison au début, puis il faut que tu sortes du château. Puis on va mettre des nouveaux monstres, puis des nouveaux fusils, mais c'est pas mal la même affaire. L'histoire se suit. L'histoire est pareille. Il y a quand même des scènes assez mémorables dans ce jeu-là. Il y avait une passe à un moment donné en téléphérique quand on s'échappe du château. Puis la première fois qu'on arrive dans le cimetière, parce qu'on se bat contre des soldats nazis, puis à un moment donné, on arrive dans le cimetière, et c'est là la première fois qu'on rencontre les morts vivants, puis tous les mutants que les nazis essayent de réveiller pour créer une armée paranormale. Il y avait beaucoup d'armes aussi. Et c'est aussi la première fois que la série va amener le multiplayer. OK. C'est ça qui a fait aussi le gros succès du jeu. Ça a tellement été un succès que ça a généré son propre jeu qui s'appelait Wolfenstein Enemy Territory, qui est un jeu multiplayer seulement. Au début, c'était supposé être un jeu avec un single player et un multiplayer, mais finalement, le single player, ça a l'air, n'était pas assez avancé, donc ils l'ont scrappé. Ils ont sorti un jeu qui était multiplayer seulement. Enemy Territory, c'est un peu devenu aussi sa propre série parce qu'il y a eu Quake Enemy Territory, mm-hmm. qui est une autre licence de ID Software. Donc, ça aussi, c'est un jeu multiplayer seulement. Donc, ID semble avoir pris un peu cette tangente-là, c'est-à-dire ils font un jeu qui est en single player, puis ils vont sortir une espèce de package, un jeu séparé qui va être seulement le multiplayer du jeu. Ensuite de ça, donc ça, ouais, tous ces jeux-là, comme je vous parle, il y a un ID Super Pack sur Steam qui coûte, je pense, 60$. Vous pouvez avoir presque tout ce que ID a fait depuis ses débuts. Là. Ça, si vous voulez jouer à tous ces jeux-là, là, les Wolfenstein, toutes les Doom qui ont été faites, toutes les milliards de versions de Doom aussi, c'est tout disponible là-dessus. Ouais, sauf qu'on parle pas des deux premiers, pas Castle. Wolfenstein, non, pas Beyond Castle. On parle vraiment de la série à partir de Wolfenstein 3D. Oui, exactement. Ouais. Bon, ensuite, ça, qu'est-ce qui est sorti? Enemy Territory sorti en 2003. Ensuite, le prochain Wolfenstein, on arrive en 2008. Un jeu pour iPhone qui s'appelle Wolfenstein RPG. Là, on retourne plus aux racines de la série Wolfenstein. C'est intéressant parce que c'est un jeu un peu en FPS, mais au tour par tour. C'est-à-dire que on pèse sur la flèche pour avancer notre bonhomme comme d'une case, en guillemets. Mm-hmm. Et là, on va encore avancer. On va ouvrir une porte. Alors, dès qu'il y a un ennemi dans une pièce, ce qui va arriver, c'est que l'ennemi va avancer d'une position. On va avancer d'une position. Donc, on doit se positionner soit à côté de lui ou en avant de lui, dépendamment de comment on va calculer nos, nos déplacements. Un peu comme quand on joue à un JRPG puis qu'on a les espèces de cases en hexagone. Oh, ouais, ouais. On déplace nos personnages sur la carte, c'est le même concept. Sauf qu'on a une vue en ayant une vue 3D. Donc, on rentre dans les pièces comme ça, on doit se positionner pour tirer nos ennemis. Donc, on ne peut pas vraiment s'échapper quand on commence à tirer sur un ennemi. C'est vraiment là, face à face, bang, bang, bang. À moins qu'on réussisse à le prendre de côté, ben là, on vient d'avoir un coup. Faut vraiment être arrivé le premier à tirer pour s'en sortir. On peut aussi chercher puis trouver des upgrades puis des lettres qui nous permettent de lire l'histoire. Donc, on a un petit peu plus un retour, un petit clin d'œil à la licence du début. C'est un bon jeu pour ceux qui ont un iPhone, un iPad ou un iMachine. Mm-hmm. C'est bon, puis ça doit pas être très cher. Là. J'ai pas regardé le prix. Là. Les combats, c'est quoi? C'est-tu du plus 2, moins 4, plus à faire le même? C'est vraiment, tu tires, clic, clic, clic, mais ta vie descend. Donc, si tu vois qu'il y a un gros monstre, ben, tu peux essayer de l'éviter en tournant ou en te déplaçant, essayer d'aller en arrière de lui. Là. Mais c'est vraiment, chacun son tour, on fait un move. Donc, tu tires une balle, là, t'attends, l'ennemi tire. Là, ça peut faire comme, ou bien une touche, ou bien ça peut faire miss. OK, OK. Exactement comme dans un JRPG. Là. OK. Que tu te bats, puis là, ça fait miss ou plus 2, moins 2. Plus 2, moins 4, OK. C'est, bon. C'est ça, mais ça, c'est vraiment du dommage à ta barre de vie. OK. Il y a une version aussi de Doom RPG qui a été faite exactement comme ça aussi, qui est très bonne. Sur l'iPhone encore? Ouais, oui, je pense. Moi, j'avais joué sur Steam, bien, je pense. Mais Eric... Au niveau du multiplayer, le temps que, dans le fond, toi, tu décides de faire ton action, puis les autres, est-ce que c'est long? Tu sais, je veux dire, ça, pour que le graphique finisse par faire de quoi? Non, c'est vraiment, c'est comme si tu jouais à un FPS normal, okay. Mais que tu regardais des diapositives. Okay. Fait que t'avances d'un coup, là, l'ennemi avance d'un coup, là, t'avances toi aussi, là, tu te positionnes. Des fois, tu rentres dans une pièce, tu vois qu'il y a un ennemi, ben là, l'ennemi ne va pas commencer à tirer tout de suite parce que lui aussi, il faut qu'il se positionne. Donc, tu as le temps d'aller te chercher une assiette de poulet et, okay, ouais, et c'est comme salade avant d'aller te redéplacer vers lui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est stratégie en temps réel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un peu en stratégie en temps réel. OK. Ouais. Fait que c'est un petit peu plus trippant. Moi, je sais que le Doom aussi, RPG, j'avais bien aimé ça, là. Ça te permet... C'est tout en texte, là. Donc, tu t'approches d'une personne, tu passes sur le bouton... pour leur parler. Fait que là, il y a du texte qui défile, là, puis ça te permet d'avoir une petite histoire. Là. OK. Ça joue bien parce que moi, j'ai le temps de trouver que les jeux d'action sur les iPhones, ça joue... En tout cas, à mon avis, moi, je trouve que ça se joue très mal avec l'écran, avec le touchscreen. Ouais. C'est difficile d'être subtil, juste en déplaçant son pouce sur... Surtout le iPhone, parce que l'écran est trop petit. Ça, ben, ça te permet d'éviter toutes les erreurs de déplacement parce que tu fais juste... peser, avancer à gauche, à droite, tu sais. C'est un coup à la fois, tu sais. Donc, t'as pas besoin d'être... C'est pas comme une manette, tu sais, où t'as besoin d'être vraiment habile avec pour éviter les ennemis puis de sauver des balles. Là, c'est vraiment les déplacements sont... Donc, ça, c'est un petit jeu comme ça. Et finalement, ben, le dernier de la série s'appelle seulement Wolfenstein, sorti en 2009 sur Xbox PS3 et PC. Là, la licence aussi fait un autre bond. Ben, c'est encore un bon vieux FPS là, où on tire dans le tas, classique. Cette fois-ci, par exemple, le jeu a été développé par Raven Software, qui a fait une très bonne job. ID supervise toujours les jeux. Il y a plein de studios qui ont développé tous les différents jeux de Wolfenstein, mais ID est tout le temps un peu au-dessus pour voir comment ça va. Le jeu Wolfenstein en 2009, c'est un jeu qui est plus ouvert. Donc, c'est pas juste on se promène dans des corridors puis on tire. Faut se déplacer. On est dans une ville fictive allemande et on doit se promener, aller voir la résistance. Bon, là, les personnages vont nous donner des missions, on va aller à une autre place, ramasser qu'est-ce qu'ils ont besoin, revenir les voir. Puis là, ben, ils vont dire, OK, maintenant que t'as fait cette mission-là pour nous, on va t'aider. Il y a des black market, là, marché noir, où on peut aller upgrader nos armes. Et aussi, la nouveauté, il y a le médaillon. Ils ont amené le médaillon. Ça, c'est quelque chose qui nous donne des pouvoirs paranormaux. Donc, ça nous permet de faire une espèce de bouclier qui nous entoure. qui nous permet d'arrêter les balles, ralentir le temps ou augmenter les dommages de notre fusil, voire au travers des murs. Donc ça, c'était la grosse nouveauté. OK, ouais. Hein? Moi, t'as-tu une question? Non, c'est beau, mais ça donne comme un nouveau souffle au jeu, là. Ouais, c'est ça. Puis c'était très pratique parce que il y avait aussi des jeux aussi des jeux. Comme des puzzles à certains moments donné où c'est nécessaire. Là. Je sais que moi je me rappelle de celui qui permet de voir au travers les murs est quand même assez pratique là, avant de rentrer d'une pièce, tu vois, où sont les ennemis. Par exemple, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que l'espèce de bulle qui t'entoure n'est pas nécessairement collée sur toi. Il y a une espèce de distance. Donc quand les ennemis rentrent dans la bulle, ben si la bulle arrêtait les balles, ben là, la bulle arrête plus les balles parce qu'ils sont dans la bulle avec toi. Là, OK, ouais, ce qui est logique. Tu peux pas être trop proche, sinon les ennemis rentrent dans la bulle. C'est le jeu. En fait, ça, c'est encore la même histoire. Là, c'est toute cette histoire paranormale-là. Il faut aller empêcher les nazis de développer des armes. Donc, à un moment donné, on fait exploser un char d'assaut expérimental. Il y a toutes sortes de choses. Question de même, tu parles de la bulle qui te protège. Là. Quand toi, tu tirais, est-ce que la bulle se fermait ou tu pouvais-tu tirer quand tu étais dans la bulle? Parce qu'on s'entend que si la bulle arrête les balles entrantes, elle arrête les balles sortantes aussi. Là. Ben non, c'est pas de même que ça marche. Ah, OK, excuse. Okay. C'était une physique différente quand la balle sortait que quand la balle était pour rentrer. Et ta balle sort, puis à un moment donné, même, comme je disais, il y a une des fonctions que tu vas activer normal. Parce que tu débarres, il y a quatre fonctions pour la bulle. Tu les débarres une après l'autre avec le temps. Il y en a une que c'est d'augmenter les dommages. Donc, dès que tes balles sortent de la bulle, sont plus fortes. OK. Donc, tu fais plus de dommages. OK. Comme Simon me chuchotait, ça explique le paranormal. Avec le paranormal, tu peux expliquer n'importe quoi. Avec nazi et paranormal, tu peux pas. Tu peux faire ce que tu veux. C'est trop possible dans l'histoire. OK. Donc oui, mais tu peux seulement activer une fonction à la fois. Donc en combat, il fallait que tu décides si tu voulais ou augmenter tes dommages ou être capable d'en absorber ou ralentir le temps. Donc, ouais. Donc tout ça. Fait que ça apportait un petit côté intéressant. D'ailleurs, ça, c'est un côté qui va être pris Raven Software tout de suite après, en 2010. Ils ont fait un de mes jeux préférés à vie qui s'appelle Singularity. Qui reprenait ça, dans le sens où on avait encore les combats avec un arme, mais dans une main, au lieu d'être un médaillon, c'est une espèce de gant qui nous permet de faire des choses semblables, c'est-à-dire de ralentir le temps, de repousser les ennemis en leur donnant une espèce de blast d'énergie. Était-tu métallique, brillant, le gant? Non, pas vraiment. Pouvais-tu faire des shows comme un mouvement? C'est un power glove. OK. Il fait des comparaisons au gant de Michael Jackson. Oui, c'est ça. Avec le pouf, ça prend le pouf. Non, mais il pouvait faire de la magie avec ça. Oui, c'est ça. OK, mais ouais, c'est ça. Mais ça ressemble un peu, tu parles du jeu Singularity, ça ressemble un peu aussi à BioShock avec les pouvoirs que tu avais dans une main que tu pouvais envoyer puis tu tirais avec ton autre main. Fait que c'est un peu semblable. Oui. ID, récemment, surtout quand on joue à Rage, on se rend compte qu'ils ont perdu un petit peu de leur edge. On dirait qu'ils sont plus en avant. Ils font surtout des jeux où ils reprennent des choses qu'on a déjà vues dans les dernières années dans d'autres jeux. On dirait que leur force, c'est vraiment de les adapter un peu comme Apple fait. Dans le prendre des affaires d'ailleurs et de les adapter un peu meilleur. J'ai rejoué dernièrement d'ailleurs à Rage, puis j'ai trouvé que c'est un jeu que les combats ils sont vraiment bien faits, même si au point de vue de l'histoire puis du monde, ça ressemble à une terrible copie de Borderlands. Ouais, mais c'est ça. Mais les combats sont tellement bien faits. C'est vraiment la force de ID. C'est leur moteur qui est vraiment une coche au-dessus des autres. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, un shooter, ça reste un shooter. Là, jusqu'à quel point tu peux révolutionner le monde du shooter? C'est tout le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des shooters plus RPG où il y a beaucoup d'upgrades d'armes ou des classes de personnages parce que ça permet de changer un peu le gameplay. Il y a des gens qui ont aussi poussé le genre, si on prend des jeux comme la Mirror Edge, là, où il n'y a presque aucun combat, là, c'est vraiment comme une espèce de jeu de plateforme moderne, si on veut. Ouais. Mais si t'aimes ça tirer dans le tas, ID, c'est encore pas mal le top. Là. Quoique mon préféré, ça reste encore la série de Sam. Là. Si tu veux un jeu qui tombe dans le paranormal, Serious Sam 3, allez-y. OK. Il y a des hectolitres de sang là-dedans, c'est incroyable. Faut que tu changes ton moniteur aux semaines parce que les pixels rouges sont épuisés. Ah, ouais, c'est ça, ton tube. Si t'as une TV au tube, ton tube rouge, il faudra que tu le changes avant ton tube bleu. C'est ça. Non, mais une façon d'innover là-dessus, j'imagine qu'il y a des comme des surfaces où que tu mets ton téléphone, puis ça peut le reconnaître, puis ça peut même l'insérer dans le jeu, mais là, tu vas pouvoir mettre un type de revolver, puis là, vas-y, tiens, tu vas pouvoir l'équiper avec ton personnage. Peut-être. Ouais. Vive le futur. Vive le futur. Donc, qui sait ce qui va nous arriver dans le futur? Il n'y a pas vraiment de Wolfenstein d'annoncé, de prévu. Singularity, malgré qu'il est un jeu incroyable, n'a pas très bien vendu, malgré les extrêmement bonnes critiques. Donc, je ne sais pas trop ce qui va arriver avec la franchise de Wolfenstein. On va sûrement en avoir un autre. Je sais que moi, j'ai lu qu'il y avait un film qui avait été écrit à propos de Wolfenstein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est arrivé, je pense, sur la page Wikipédia, je pouvais lire de Castle Wolfenstein, que la personne qui a écrit le film s'est fait arrêter pour... avait bu au volant et avait tué la personne qui était dans l'auto avec elle, donc je sais pas trop à quel point ça vient de tuer la série, le film qu'il voulait faire. D'où le fait que c'est là, je te disais, là, de la différence entre le jeu et le réel. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, il va y avoir une scène. Il va y avoir une scène dans le prochain Wolfenstein où tu te promènes sous en voiture. Ouais, mais dans le premier Castle Wolfenstein, tu trouvais du chenal pour sous aux pêches d'un coffre, puis si t'en buvais trop, t'étais sous, puis ton bonhomme écrivait hic. Comme quoi il était sous. Hic, puis tu manquais tes tirs de fusil. Tu tirais tout croche, tu marchais tout croche. Ah, bien fait. Ouais. Tu es en train de dire qu'un trooper est tout le temps sous? Non, pas nécessairement. Peut-être que dans Star Wars, les troopers sont tout le temps sous parce qu'on va arriver à tirer de rette. Possible. Faudrait checker. Mais bon, en tout cas, si vous êtes en manque un peu du classique Wolfenstein 3D et que vous voulez jouer, ben sur portable, il y a des jeux qui ont été sortis. D'ailleurs, il y en a un qui est disponible uniquement sur la plateforme Android qui s'appelle Wolfenstein 2D. Au lieu de Wolfenstein, ça sent vraiment la copie. Oui, c'est-tu Gameloft qui le fait? C'est qui? C'est-tu Gameloft qui le fait? C'est pas Gameloft. Pas de plug. D'ailleurs, si vous voulez rejouer à quelque chose qui ressemble au premier, ce serait probablement ça. C'est vraiment la même vue d'en haut avec notre personnage qui se promène. On se promène de pièce en pièce. Il y a une espèce de fog of war. Je ne sais pas en quoi qu'on pourrait traduire ça. Là. On ne voit pas dans la pièce avant d'y rentrer. Là. OK. Donc, il faut trouver la sortie. Donc, c'est la même affaire. Il faut trouver la clé pour pouvoir réussir à débarrer la dernière porte là, et réussir à sortir du niveau. Mais il y a du brouillard, quoi. Oui, c'est ça, il y a du brouillard. OK. On peut rentrer, découvrir les... Faut trouver la clé puis sortir. Fait que c'est aussi simple que ça. Dans chaque pièce, il y a des nazis. Fait qu'il y a tout le temps le soldat de base, le soldat avec la mitraillette. Il y a les chiens. Donc, on rentre puis on mitraille tout ce qui passe. Bonne vue 2D. Il y a les bouteilles de potions pour se donner de la vie. Puis, il y a des trophées un peu partout, des trésors qu'on ramasse pour les points. Donc, ceux qui ont... Bizarrement, c'est un jeu qui semble exclusif à Android, donc félicitations Google. C'est ça, merveilleux. Habituellement, tout est sur iPhone, mais rien sur Android. Donc celui-là vaut la peine et me semble il est gratuit. Je pense que tu peux payer pour une version qui a plus de niveaux, je crois, mais je ne suis pas sûr. Okay. Moi, j'y ai joué, là, puis c'est bien fun. Ça, si tu mets ça en hard, c'est très difficile. Là. C'est une balle des morts. C'est sûr que ça le tente. Wolfenstein 3D, puis Doom est disponible sur iTunes pour le iPad puis l'iPhone à 2$. Ouais, c'est ça. Ça vaut vraiment la peine. Moi, quand j'avais eu ma PS3, j'avais comme été vite sur le store la première fois. Puis d'ailleurs, un des premiers jeux que j'avais acheté, c'était Wolfenstein. Je l'avais pas encore joué sur PC. J'avais trouvé Wolfenstein 3D sur la PS3, puis j'ai bien trippé à jouer à ça. Sur une télé 50 pouces. Ça nous ramène dans le bon vieux temps. Tu vois, sur un moniteur 13 pouces, tu sais, fait que ça fait une grosse différence. Pas mal. Et dernièrement aussi, il y a un jeu que vous pouvez jouer, je vais mettre le lien aussi sur le site, en flash, qui s'appelle Wolfenstein 1D. Oh là là! Non! C'est très drôle. OK. Ben, à quand Wolfenstein 0D? Oui, c'est ça, c'est une dimension. Donc, il y a vraiment juste une ligne à l'écran et votre pixel. Vous représentez un pixel blanc qui se déplace de gauche à droite. Les portes sont des pixels bleus. Après ça, tu as les ennemis qui sont soit des pixels orange ou bleus. Après ça, la bouffe, c'est représenté par des pixels jaunes, je pense. Donc, un pixel bleu qui se déplace, t'as l'impression que c'est une porte qui se déplace. Non, non, non, les portes bougent pas, les ennemis non plus. Donc, à chaque fois, ton pixel blanc arrive, puis là, bang, il s'arrête parce que t'es dans une porte. Fait que là, faut t'ouvrir la porte, tu rentres dans la pièce, puis tu tires, tu sais. Mais tu peux pas te sauver, parce que c'est en une dimension, donc t'es tout le temps sur le même niveau horizontal. Ça passe du temps au bureau, là, si vous n'avez rien à faire. Là. Des heures de pas de plaisir. Oui, c'est vraiment ridicule. Là. Ils ont même repris l'image d'intro au début, où on a l'espèce de dessin classique, la pochette avec le bonhomme. Sauf qu'ils ont gardé Wolfenstein, mais ils ont comme refait ça en Photoshop. Ils ont mis un D au lieu du 3D. Ah, okay. Donc, je vais mettre le lien sur le site, ça c'est assez drôle. Et voilà, ben c'est ça qui fait le tour pour la série Wolfenstein. Il y a plein d'autres jeux aussi qui ont été déviés de ça. Il y a Commander Keen. Je sais pas si vous vous rappelez aussi, c'est un jeu qui est un peu à la même époque, qui reprend un peu le même qui reprend une espèce de clin d'œil au jeu. On joue le petit fils du personnage de Wolfenstein. C'est une espèce de jeu de plateforme. Et il y a aussi des niveaux dans Doom 2 qui sont des niveaux qui sont les mêmes niveaux que dans Wolfenstein 3D. C'est une espèce d'hommage qui se sont faits à eux-mêmes, dans le fond, quand on va ramener le jeu. Et ben, c'est ça qui s'appelle Doom. Ben, c'est merveilleux. Super. Fait que ce qui est intéressant, c'est que c'est tout disponible. Fait que ceux qui veulent jouer à ça, allez sur Steam, achetez le pack ID Software. Puis pour 60$, vous allez avoir des heures et des heures de plaisir. Des milliers d'heures. Juste jouer à toutes les versions de Doom, là. J'imagine que le dernier Wolfenstein de Raven Software n'est pas inclus dans le pack d'ID Software. Non, malheureusement, non. Il est vendu séparément, mais je pense qu'il n'est pas très cher. Il me semble qu'il était juste 20$. Bon, de toute façon, attendez les journées spéciales de Steam. Mettez-les sur votre liste de souhaits, puis à un moment donné, il va tomber à 4$ des ventes folles que Steam fait des fois. Moi, d'ailleurs, je l'avais revendu pour Wolfenstein et là, je l'aurais créé. Ah, il y a des idées. Moi, j'ai vendu un moment donné, j'ai vendu mon Nintendo 64 puis mon SNES dans une vente de garage à un gars. J'y ai vendu vraiment ça pas cher. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû garder. Ah. Mais c'est le rétro gaming dans ce temps-là, c'est les vieilles consoles, je trouvais que ça prenait juste de la place dans ma cave puis je jouais plus avec. Mais aujourd'hui, tu te dis, il me semble que j'aurais rejoué. Intellivision. Coleco, Atari. Le pack, si tu me laisses un petit peu regarder, je ne sais pas s'il y a le Super Pack. Oh, il y a XM aussi là-dessus qui est vraiment bon. Il y a toutes les Quake, écoutez. Oh, ouais, Quake, c'était excellent quand ça a sorti. Là. Quake 3 Arena, là, écoute, c'est des heures de plaisir. Les Duke Nukem aussi sont dedans. C'est ID Software qui faisait Duke Nukem. Non, ça a tout le temps été 3D Realm. Ah, 3D Realm, c'est vrai, je me mélange avec les deux. Spirit of Destiny, Castle Wolfenstein. Il y a Return Castle Wolfenstein qui est le jeu qui était sorti en 2001, qui était très bon. Ultimate Doom, toutes les Quake, écoute, il y en a. Les XM, les trois XM, puis un Commander Keen. Il y a même Doom 3 puis Doom Resurrection of Evil. Ok, wow, ça fait. C'est un jeu quand même plus récent, là. Tu sais, juste Doom 3, c'est un jeu qui est encore vendu 20$. Resurrection of Evil est vendu 10$. Donc, c'est vraiment. Ça fait un bon pack de jeux pour 60$. Ouais, si vous tripez à tirer des monstres. Bon, ouais, c'est sûr que. C'est sûr que si c'est pas ton style de jeu, c'est pas un pack à acheter parce que. Tu vas trouver le temps. ID Software a pas fait grand chose d'autre que des shooters. Bon, mais c'est beau, t'as terminé avec ta série de Doom. Oui. Ah, pas Doom, de Wolfenstein. Oui, mais Doom, c'est dans la même série. Oui, Doom. Le voyage à Calgary m'a... Faire un reportage sur Doom, ça serait exactement la même chose, juste remplacer Wolfenstein par Doom. Ouais, parce que c'est pas mal le même engin, pis tout le kit. Fait que... Bon, mais c'est beau, fait que merci beaucoup, merci. Eric. Thank you. que c'est cela. Je vais laisser la parole à ma douce. Elle a un petit jeu qu'elle a commencé à jouer dernièrement sur iPad, qui est un jeu gratuit qui s'appelle Slot Journey. Il est disponible sur l'iPad, il est disponible sur Android, puis il est disponible sur ceux qui ont le temps sur Facebook. Ah ouais. Ou tel que nommé dans Ben 10, Face the Book. Donc, c'est quoi l'idée du petit jeu que tu es en train de jouer présentement? C'est du live. Ben, c'est un genre de free-to-play pareil, parce que tu peux acheter des jetons Pour de la vraie argent. Pour de la vraie argent. Tu peux acheter des sous de la vraie argent, puis vu que c'est du live, là, je peux vous dire que ça va vous coûter. Tu sais, achat inter-application, je le traduis live parce qu'il n'y a pas de site français pour ce jeu-là. Yeah. Vous pouvez acheter 20 000 coins, hein, ça fait du coin en masse, non, 20 000 sous pour 14,99, 6 000 pour 199, 1500 pour 1,99. Le plus gros, vous pouvez acheter des boosters, puis des 35 000 sous, c'est 25$. Fait que, c'est ça, fait que c'est un free-to-play. Tu peux jouer longtemps avec... Avec rien du tout. Mais on n'a pas besoin d'acheter. Non, on n'a pas besoin d'acheter. C'est vraiment une machine à sous, donc déjà là, en partant, tu vois pas l'intérêt de payer pour acheter du virtuel, là, mais en tout cas, c'est leur idée. Ils veulent faire de l'argent, c'est normal, c'est un free-to-play. Hein. Donc, c'est une machine à sous qui est basée sur des journées. Il y a environ 4 niveaux par... Par journée? Par journée. C'est un peu compliqué. Hein? Là, je suis dans le pharaon, je vais faire back. Parce quand que tu dis journée, toi, c'est comme une aventure, un voyage. C'est ça, il y a plusieurs journées. Tu as l'Égypte, tu as la Chine, tu as les Islands, ça veut dire c'est des les îles. Les îles, ouais. La Grèce, la Transylvanie, ça, j'ai hâte d'être rendu là. Puis, naturellement, ils marquent Coming Soon pour de nouvelles journées. Ils vont en rajouter, ok. Puis dans les journées, il y en a beaucoup. Là. Il y a beaucoup d'étapes à faire. Là, moi, je suis rendue à la Chine parce que c'est comme n'importe quoi. Tu veux toujours progresser. Ça va bien. Les débuts, ça va super vite. Rendu à la fin de ta journée, ben c'est de plus en plus cher parce que tu as de plus en plus de lignes qu'il faut que tu payes. D'où le pourquoi qu'ils te vendent des sous. C'est en plein ça. Tu as environ 25 lignes, si je me trompe pas, par niveau. Donc, au début, ils sont barrés. Donc, tu commences avec le droit de une à deux lignes, puis plus que tu progresses dans ta ligne, tu débarres tes lignes de possibilités. Ouais, fait que les lignes, c'est ceux qui ont déjà joué au machine à sous au casino. Vous pouvez gager pour avoir une ligne, fait que la ligne droite du milieu. Là, trois lignes, c'est les trois lignes de chaque bord qui peut sortir. Après ça, vous avez les diagonales, puis les choses impossibles à voir, là. Fait que ça peut aller jusqu'à un certain nombre de lignes assez incroyable. Les autres vont jusqu'à 25 lignes, si je me trompe pas. Mais en plus, ce que je vois là, c'est que les lignes ne sont pas nécessairement diagonales, c'est qu'ils vont un peu partout, puis elles vont même devenir horizontales, verticales. Oui, ça fait un zigzag. Après ça peut descendre, ça peut aller dans la deuxième ligne. Donc oui, c'est ça, les possibilités sont grandes de gagner. Il y a naturellement le wild, qui est le Joker, qui remplace n'importe quoi, là, qui est un gratuit. Une carte frime. C'est ça, une frime. Puis vous avez aussi des possibilités de jouer à des mini-petits jeux à l'intérieur. Ouais, OK. Donc, si tu réussis à avoir trois pareils, tout dépendant de la journée que t'es, tu as des pandas à choisir, puis tout dépendant du panda que tu choisis. Moi, naturellement, je joue dans l'iPad, donc tu choisis... Par toucher tes pandas, puis c'est là que tu gagnes soit des boosters, donc naturellement tu as des boosters, tu as des x2, x3, x4, x5 que tu prends au hasard, donc tu peux t'en servir puis pas rien gagner, comme tu peux gagner quelque chose, donc il double ou il triple ou il quadruple le montant que tu gagnes, donc c'est vraiment une question de chance aussi. Mais ça, tu peux décider de l'utiliser à n'importe quel moment, ton booster, jamais, tu le gardes. Tu peux garder. Okay. C'est sûr que ça progresse plus vite, ta ligne de progrès. Ouais. Ben, c'est pour que tu changes de journée, tu as une ligne ici de c'est progrès. C'est ça, fait que ça se répète. Progressif. Donc, plus tu vas mettre de booster, plus vite ta ligne va avancer. Naturellement, comme on dit au début, les lignes vont vite au départ. L'intérêt de ce jeu-là, c'est pas juste de jouer à une machine à sous, c'est de progresser, c'est d'ouvrir tes lignes, c'est d'ouvrir tes nouvelles journées. D'un à l'autre, c'est toujours des petites images différentes, des petits mini-jeux à l'intérieur différents. Donc, c'est l'intérêt du jeu. OK. Non, c'est le fun à jouer. Passe vite, t'es pas obligé. À tous les heures, ils donnent un bonus. OK. Donc, au début, dans ta première journée, quand t'es en Égypte, ils te donnent environ un 100 points. Après, ils vont te donner un 200. Là, tu vois, je suis rendu à la Chine. Moi, je suis rendu à 650 $ qu'ils donnent. Okay. Donc, si tu joues à 650 jetons de la shot, tu as le temps de jouer un petit peu. Là. C'est pas comme. C'est pas de la vraie argent. Donc, c'est moins grave que c'est ça. C'est ça, t'as pas l'intérêt de mettre moins de lignes ou de mettre moins d'argent. Donc, tu joues comme tu veux, mais à tous les heures, tu peux aller te ramasser de l'argent sans avoir besoin d'en acheter. Puis là, quand tu parles de la Chine. L'Égypte, c'est des thèmes du jeu. C'est des journées. Ouais, tout ça, c'est des thèmes. C'est un thème. Fait que quand t'as tes mini-jeux, comme à un moment donné, tu gagnes de l'argent, puis là, tu peux le doubler. Oui, c'est vrai. Si tu fais un win... Un gros gain, là, un big win, quelque chose comme ça. Un big win, c'est ça. Tu peux doubler le jeu. Donc là, naturellement, dans la journée, dans la Chine, c'est un petit panda. Il va te demander si tu veux vraiment doubler le lot que tu as gagné. Mettons que tu as gagné 1 000 $. Tu dis « yes ». Là, il va te sortir un chiffre dans une petite mallette. Donc, si c'est un 2, ben toi, tu as 6 pandas à choisir, ben tu as pas mal de chances de gagner. Mais si tu sors un 12, tu es comme assuré que tu l'auras pas. Donc, tu perds ton 1 000 $ du départ. C'est ça. En Égypte, c'est des pyramides ou que tu choisis des choses comme ça. Ça change de journée en journée. Puis, le désavantage de pouvoir doubler, c'est que c'est comme un petit peu dans n'importe quoi. Tu doubles, tu l'as, tu dis « Ah, oh, je vais réessayer une autre fois. » Au lieu d'avoir 1 000 $, je vais être rendu à 4 000 $. Puis là, tu perds tout au complet. Là, t'as plus rien. Mais c'est le fun. Okay. C'est très interactif. C'est bon. C'est le petit jeu gratuit oui. Pour ce mois-ci. Il est classé 12 ans et plus. Parce que c'est un jeu. C'est du gambling. C'est de la gageure. Fait que Apple l'a classé 12 ans et plus. J'aurais pensé que ça aurait été juste 18 ans. Vu que c'est du gambling, pas parce que c'est violent ou rien, mais ils ont classé ça 12 ans, j'imagine, parce que c'est un petit jeu juste le fun. Là, puis c'est cute, ça passe le temps. Ça t'engage à rien. C'est ça. Puis vous pouvez jouer en masse sans dépenser un sou pour acheter des choses comme ça. Mais en étant gratuit, peux-tu tout débloquer à la fin malgré tout? Oui, je débloque toutes les fins. Oui, en ce moment, je suis en train de tout débloquer. Okay. Tu peux rejouer jusqu'à 3 fois. Tu as des étoiles en dessous de chaque. Puis c'est un peu comme un jeu de... Quand on joue au Angry Birds. Okay. Où ce que tu fais ton jeu une première fois, tu débordes des choses, mais il faut que tu refasses une deuxième... fois pour aller vraiment chercher à 100% tes blocs, tes blocs rouges, tes choses-là. Mais c'est la même chose pour lui. Tu as 3 étoiles, un peu comme Angry Birds aussi, dans le fond. Quand tu le fais ta première fois, tu as une étoile jaune sur la première, tu as une étoile verte en deuxième. Quand tu le refais une deuxième fois, tu as une deuxième étoile jaune en deuxième. Donc, tu peux jouer jusqu'à 3 fois pour débarrer toutes tes étoiles. Puis tu peux jouer le nombre de temps que tu veux. Oui. T'es pas obligé de absolument jouer 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Pas du tout. Joue 3 fois ta lettre. Moi, quand je travaille dans la journée, le matin, je vais chercher mon 650 $. Avant d'aller travailler, je reprends un autre 650, mais je le joue pas. Je fais juste ramasser mon bonus par heure. Je reviens, je reprends mon bonus. Donc, j'ai comme 3-4 bonus avant d'en jouer peut-être un petit 15-20 minutes. Okay. Donc, je me ramasse peut-être un 2000 jetons, puis après ça, ben, je peux jouer un petit peu plus longtemps. Okay. Là, tu vois, je suis rendu à 34 000, ouais, je serais riche. Là. Ouais, mais malheureusement, c'est pas de la vraie argent. Fait que pour ceux que ça les intéresse, c'est le fun à jouer. Ça prend tout le temps. C'est ça, mais c'est ça le but, puis en plus, c'est gratuit. Vous le téléchargez, si vous l'aimez, parfait. Si vous l'aimez pas, ça vous engage à rien. Fait que, comme je disais, c'est disponible iTunes, soit pour les non-HD. Oui. Ou HD, il y a 2 versions. Il y a la version pour Android, puis il y a la version sur Facebook que vous pouvez jouer aussi. Là. Je l'ai parti tantôt sur Facebook, puis c'est pareil, c'est identique. Sauf que ça joue avec la souris au lieu de jouer avec le doigt. Vous pouvez essayer de mettre vos doigts dans votre écran, mais ça ne changera rien. Ça ne donnera pas grand-chose. C'est comme comme vous savez, moi j'aime toujours les jeux que tu peux jouer juste un petit 5 minutes, puis après ça tu peux aller faire d'autres choses. Oui, c'est ça. Ça rentre dans les jeux que j'aime. C'est ça. Ouais, la plupart des jeux que tu parles, c'est des jeux que tu peux jouer. Tu peux jouer un 5 minutes, puis c'est tout. Puis tu retournes là plus tard, puis tu rejoues une demi-heure si t'as une demi-heure, puis t'as aucune conséquence de ne pas avoir joué pendant 3 jours. Là. Mais il faut quand même que ce soit bon, que tu accroches, puis que tu joues sans cesse au même jeu comme tes Schtroumpfs aussi. Là. Ben, je suis encore avec. Je sais, mais donc, ça, c'en est un autre qui s'est rajouté. Donc, ça veut dire que c'est quand même bien. Là. Si t'aimes ça, c'est preneur. Oui, c'est ça. Puis elle joue pas beaucoup. C'est pour ça que je reçois des invitations sur Facebook. De d'autres mondes. Oui, ces jeux-là. Fait que c'est pour ça. Elle joue pas beaucoup. Fait que quand un jeu accroche, c'est souvent un jeu qui est le fun pour les joueurs casual. Les joueurs qui aiment ça jouer, mais qui veulent pas nécessairement être pris à faire du 15 heures de jeu ou une affaire comme ça. Elle joue ça 15 minutes, elle repart, elle va faire d'autres choses. Puis c'est le genre de jeu-là qu'elle aime, c'est le genre de jeu-là qu'elle parle sur le podcast, parce que c'est le genre de jeu qu'elle joue. Mais des machines à sous, j'ai jamais joué, à part quand on a été à Vegas, mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'a intéressé. Probablement parce que c'était mes sous, hein. Puis cliquer, là, puis faire perdre. Mais ben, c'est en plein ça, c'est l'avantage de tout là-dedans. D'où 34 000, là. Oui. Ah, ok. Tu veux le faire 34 000 aujourd'hui. C'est oui, de notre poche, ça ferait mal. Hein? Ça ferait. Mais je mettrais pas 11 cents. Du 15 lignes qui fait comme 164 cents de la shot. Là, tu sais, non, je ferais peut-être pas ça. Mais là, tu vas au maximum. C'est ça, pour avoir le maximum quand je gagne. C'est pas de la vraie argent. Mais parlant de Vegas, ceux qui iraient faire un tour à Las Vegas. Puis qui sont fous de Star Wars comme mon mari. Ouais, trouver la machine à sous de Star Wars. Vous allez avoir du fun. C'est incroyable. Merci. C'est sûr, certains, ça coûte de la vraie argent, là. Mais c'est tellement le fun à jouer, c'est super intéressant. Puis vous allez arriver à l'aéroport, puis il y a déjà des machines à sous quand vous arrivez à l'aéroport. Puis celle-là était là. Je l'avais pas vue quand on est rentré à Vegas, mais quand on est ressorti, je l'avais vue ailleurs, puis elle m'a accroché. Là. Pardon, Eric? T'as-tu manqué ton vol? Non, j'ai pas manqué mon vol. On avait pas mal de temps à attendre à l'aéroport, vu que c'était un vol international, là, mais... C'est vraiment intéressant, on l'a vu, je me rappelle bien, on l'a vu au, il avait à 2-3 casinos, là, au début. Treasure Island, il l'avait. Ouais, il l'avait au Treasure Island, il l'avait aussi au Palazzo, où ce qu'on avait couché, nous autres, après la première nuit. Fait que elle est un peu partout, mais quand vous savez qu'elle existe, vous pouvez la chercher. Mais pour les femmes, Dirty Dancing aussi existe, et je suis sûre qu'elle est aussi bonne. Peut-être. Mais c'est le même style, c'est vraiment, il y a une télé avec des bouts de films dedans, puis là, il y a des scènes qui ont refaites pour le jeu, ça a l'air vraiment d'un jeu vidéo, des scènes d'action où ce qu'il faut que tu choisisses, mettons, il y a une scène où il faut que tu choisisses des robots, puis là, tu touches pour choisir des R2-D2, ou... Le R2-D2 vaut 200$, mais le... c'est quoi, tu vois, tu sais, 3PO, lui vaut 1000$. C'est donc, ça. Tu essaies de. Faut que tu mixes deux, donc. J'aurais inversé, là, perso. C'est des mini-jeux, puis t'as des petits robots, le petit robot orange qui pète au début dans le film quand Luke essaye de l'acheter des Jawa. Il vaut comme 50 points. C'est pas vraiment. 200, c'est pas 200$, c'est des points qui vaut un certain montant. Mais c'est vraiment le fun à jouer. Prenez un 20, allez jouer, contentez-vous, mais. Dépensez pas votre paye au complet, là. Mais j'ai mis un 20 là-dedans, puis j'ai joué, je dois avoir joué comme une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, là. Donc, parce que tu gagnes, tu perds, tu regagnes, tu repères. C'est vraiment, vraiment le fun à jouer. Fait que puis, c'est moi, j'aime pas Vegas. Star Wars, mais je l'ai regardé tout le long, puis j'ai bien aimé ça. C'était vraiment, vraiment intéressant. Fait que, au pire, faites une recherche sur YouTube, là, ou si je pense, je mettrai le lien sur le site. Il y a des vidéos de cette machine-là, vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Les graphismes du jeu, de la manière qu'ils ont fait ça, c'est vraiment intéressant, puis le jeu est super le fun. Il y a des mini-jeux différents, t'as un bonus à un moment donné quand tu trouves, faut que tu trouves trois choses pareilles quand tu joues à ta machine à sous, puis quand t'as ces trois choses-là, t'as un mini-jeu qui embarque, puis là tu joues à ce mini-jeu-là, puis ça peut doubler ton argent, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça serait disponible en jeu sur un ordinateur, je le ramasserais juste pour jouer à ça, parce que tellement que c'est intéressant. Mais Freak de Star Wars, que voulez-vous? Cette pub gratuite est offerte par CJUAP en vous mentionnant d'être toujours responsable. Oui, c'est pour ça que je dis, ne dépensez pas votre paye. Nous autres, on est allés à Vegas, on n'est pas des gamblers, on n'est pas du monde qui va au casino pour jouer de l'argent, jouer à l'argent, des choses comme ça, j'y vais pas. Quand j'étais là à Vegas, j'allais pas là pour les casinos nécessairement, j'allais là pour... La température est incroyable là-bas, là. T'es dans le désert, puis tu t'as même pas... Tu veux dire, t'as chaud, mais tu sues pas. Fait que tu sues pas à grosse goutte. Hein? T'étais-tu en hiver? On est allé au mois d'avril. Ben, c'est un mois. Vas-y un mois plus tard. Là, tu vas suer à grosse goutte? Et tabarouette. Non, c'est pas drôle. OK. Parce que moi, j'étais dans le désert au Red Rock Canyon, puis on était super bien, là. C'était vrai. C'est ça. Vegas, faut que tu y ailles pendant l'hiver. Sinon, OK. L'été, c'est impossible. OK. Bon, mais c'est bon à savoir. Ouais, c'est bon. Fait que c'est ça. C'est tout? Oui. OK. Fait que petit jeu gratuit. On va faire un segway. Un segway, c'est un terme qui est utilisé dans l'analyse des geeks. D'accord. C'est-à-dire en s'en allant vers le prochain sujet. D'accord. Parce qu'on on parlait de Star Wars. Parler de Star Wars Identité. Ah. Ça a été mon cadeau de fête cette année de Simon qui a acheté des billets pour qu'on aille voir ça. Puis c'est au Centre des Sciences de Montréal. Ceux qui ont vu l'exposition Indiana Jones, c'est semblable, mais pas vraiment pareil. Ceux qui ont été voir Indiana Jones, qui ont eu la chance d'aller voir cette exposition-là, on avait vraiment un genre de iPod dans nos mains. On partait, on pouvait faire, il y avait des quêtes à faire où il fallait trouver des indices, puis assembler ces indices-là qui nous donnaient un plus gros indice pour se rendre jusqu'à la fin, là, puis trouver la chose finale qu'il fallait qu'on ramasse. C'est des morceaux d'un vase, des choses comme ça, me semble. Puis, puis en même temps, ben c'était vraiment, autant que ça parlait des films, autant que c'était scientifique. On parlait de l'archéologie, ils montraient des vrais archéologues qui avaient fait des faits réels, des vraies trouvailles, les pays où il y avait de l'archéologie qui se passait le plus, puis ce qu'ils avaient trouvé là, puis c'était vraiment presque historique, en plus de montrer des bouts du film, puis de montrer d'où l'inspiration pour les films venait. C'était vraiment intéressant. Il y avait des artefacts qui ont été utilisés dans les films. Il y avait l'arche, il y avait tout plein de choses. Je pense ceux qui n'auraient pas écouté, là, si vous écoutez dans les premiers podcasts, mais là c'est vague, c'est lequel, je suis pas sûr que c'était pas le premier où je parlais justement de la visite à l'exposition d'Indiana Jones. Fait que si vous l'avez pas écouté et ça vous intéresse, vous pouvez télécharger le premier, là. On en parlait en long et en large. Star Wars, ils ont fait ça un peu différent. Je savais pas trop à quoi m'attendre, vu que Star Wars, c'est Star Wars, c'est science-fiction, c'est vraiment des choses qui sont pas vraiment réelles. Je veux dire, des sabres laser, des choses comme ça, ça existe pas. J'espère que je surprends à personne, là. Fait que je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire à part nous montrer des pièces utilisées dans le film, puis peut-être nous montrer, je pensais qu'il allait nous montrer des scènes, de l'arrière-scène, comment ça a été fait, ou des choses comme ça. Pas du tout. Ils ont vraiment été chercher aussi un côté historique, puis un côté réel avec ça. C'est totalement différent. On n'avait pas d'espèce de iPod dans nos mains. On avait simplement... un petit bidule, un bracelet, puis un capteur FM avec un écouteur. Le capteur FM m'a pas tellement impressionné, je dirais, Moi, toi, à la fin, t'avais mal à l'oreille. Ben, c'est pas juste ça, c'est juste... C'était vraiment... Dans l'exposition d'Indiana Jones, il fallait que t'aies vraiment devant le numéro de la chose qui te montrait, que tu le tapes dans ton iPod. Puis, d'après ce que je pense, tout ce qui était présenté était physiquement enregistré dans ton iPod, en MP3 ou quelque chose comme ça. Okay. L'exposition de Star Wars, fallait que tu fasses vraiment face à la chose que tu voulais écouter. Ouais, à la zone où ce que les ondes radio étaient générées. Hein? C'est ça. Mais le problème, c'est que s'il y avait beaucoup de monde à une place, puis tu avais quelqu'un en avant de toi, ça coupait, ça jouait plus du tout. Un moment donné, j'avais un monsieur en avant de moi, il s'est placé juste en avant de moi, puis ça a arrêté de jouer. J'entendais plus ce qui se passait. Parce qu'il bloquait les ondes c'est FM. C'est ça. Probablement, c'est peut-être quelque chose comme ça. Mais les capteurs étaient dans les airs. Ouais, mais ça bloquait le signal. Fallait juste être devant. Les écouteurs infrarouges, ça, c'est pas terrible pour faire ce genre d'exposition-là. C'est ça qu'ils ont choisi. C'est ça. Fait que je sais pas c'était quoi qu'ils utilisaient, mais je sais qu'aussitôt que tu... Fallait que tu fasses vraiment face à la chose que tu voulais écouter. Si tu te tournais un peu de côté, ça marchait pas. Même à un moment donné, t'arrives... C'est un film qui joue, c'est un bout de film qui te monte. Puis des fois, on arrivait, bon, il était rendu à moitié ou il achevait. Fait que pour pas nécessairement brûler le punch de la fin, je me virais juste de côté un peu. Puis j'entendais plus. C'est ça, puis on attendait que ça reparte. Puis là, je me remettais en face, puis là, je me mettais à entendre. Fait que c'est un peu la chose qui m'a un peu déçu. C'est pas mal la seule chose qui m'a un peu déçu. Pour le reste, l'exposition est vraiment incroyable. Il y a des maquettes de vaisseaux, il y avait... Des personnages grandeur nature. Un iPod de 30 pieds, là. Un iPod de racer. Ouais. Il y avait un quoi, Eric? Un iPod racer. iPod racer. Il y avait un iPod racer qui était probablement grandeur nature, si ça réexistait. Il était vraiment énorme. Les robots contre qui les Jedi se battent dans les trois premiers films, il y en avait un grandeur nature. Il y avait des... Il est pas petit, là. Non, c'est énorme. C'est plus grand qu'un être humain. Ah, oui. Il y avait R2-D2, C-3PO, vraiment grandeur nature. Il y avait des soldats impériaux, les costumes qui ont été portés dans le film. Oui, Eric, question? c'est quoi le ratio... vieille génération, nouvelle génération de l'exposition. Des gens là-bas qui ont été le voir? Non, ils parlent de films. À mon goût, à moi, c'était trop axé nouvelle génération. Trop de Jar Jar? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, beaucoup de Jar Jar, beaucoup de Sith, épisode 1, 2, 3, beaucoup de Jedi, épisode 1, 2, 3. Le gros... de l'exposition, là, c'est vraiment beaucoup épisode 1, 2, 3. Mais l'idée de l'identité, c'est qu'ils ont voulu aussi démontrer, comme tu parlais au niveau scientifique, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'abstractions souvent avec... c'est pas en cause que, bon, Anakin est devenu du côté obscur, que son fils lui-même a choisi cette même voie-là, malgré qu'il venait de la même famille et autres, que là, on tisse des liens avec des amis et tout. C'est vraiment, vraiment complexe puis complet, là, ouais, là-dessus. Mais ils ont beaucoup axé ça là-dessus, là. Oui, ben c'est la base... La base de l'exposition, c'est ça. Il y a les costumes, il y a tout ça. Mais la base de l'exposition, c'est vraiment comparer Luke et Anakin qui ont eu une existence semblable. C'est-à-dire Anakin n'a pas de père parce qu'il a été créé par les midi-chloriens. OK, on rentre pas là-dedans. Anakin n'a pas de père. Il perd sa mère aux mains des hommes des sabres. Luke perd son oncle puis sa tante qui sont vraiment ses parents adoptifs là aux mains de l'Empire. Luke devient bon et Jedi à cause de la manière qui a été élevée, qui était stricte et qui était mais bienveillante. C'est ça, tandis que Anakin pouvait faire ce qu'il voulait, sa mère le laissait faire du pod racing. Il était plus ouvert, il y avait moins de c'était moins rigide chez eux. Donc, ça l'a envoyé, il était plus impulsif, ça l'a envoyé du côté sombre. Fait que, t'avais-tu une question, Eric? Non. OK, c'est beau. Fait que, vraiment, l'exposition part avec Il te fait faire des choix. Tu as ton petit bracelet. Ton bracelet enregistre tes choix. Fait que, au début, tu choisis quelle race de personnage tu veux être. Moi, j'avais choisi un Wookiee. Tu peux voir Luke de toute beauté. Ouais, moi, j'avais choisi d'être un Wookiee. Simon avait choisi d'être un... Zabrak. Un Zabrak. Le Zabrak, c'est la race de Darth Maul, ceux qui ne le sauraient pas. Donc, on part. Fait que tu choisis ça. Après ça, plus tu progresses, tu fais des choix moraux. Ou des choix selon les questions qui te sont posées. Je sais pas, moi, ton vaisseau... Tu peux choisir un Ewok? Tu peux choisir un Ewok, oui. Oui. Mais tu peux pas faire de mauvais choix quand t'es un Ewok. Ben, là-dedans, tu peux... Good, good. Il y a pas de neutral good chez les Ewoks. Non, mais c'est le fils de Marie-Lune, qui est la... Ceux qui, le monde devrait connaître Marie-Lune, c'est la blonde à Frank the Tank. Son fils était un Ewok Sith. À la fin, quand lui l'a fait. Donc, il avait choisi un Ewok qui était rendu Sith. En tout cas, c'était vraiment spécial son choix. Là. fait que moi, j'avais pris un Wookiee parce que je me disais, un Wookiee Jedi, il n'y en a pas vraiment. Il y en a eu dans l'univers étendu de Star Wars, qui était le neveu de Chewbacca, était un Jedi. Si je me rappelle bien, il meurt à un moment donné dans l'histoire. Là, mais en tout cas, il était un Jedi, mais dans les vrais films, il n'y en a pas de Wookiee Jedi. Fait que je me dis, moi, je vais être un Wookiee Jedi. Fait qu'on part, on fait nos choix. Puis ton personnage évolue selon les choix. Fait qu'à un moment donné, tu as un choix comme un vaisseau s'écrase sur une planète. Que faites-vous en attendant du secours? Est-ce que tu te décourages, puis genre tu broques toutes les larmes de ton corps? Est-ce que tu t'en vas, puis tu décides de t'ouvrir un magasin pour vendre des choses? Ou je me rappelle plus trop des trois choix qu'ils te donnaient, là. Ouais, ben parce que j'ai eu des choix, j'ai eu une question différente, moi, là. C'est ça. Vu que t'as vu, ben, c'est ça. Au départ, t'as des questions qui t'arrivent, mais c'est pas tout le monde qui va avoir la même question. Il y a comme peut-être quatre questions différentes. Fait que tu peux avoir une question, revenir, puis avoir une question différente. La personne à côté de toi n'aura pas nécessairement la même question. Puis selon ton choix-là, la question que tu vas avoir la prochaine fois sera pas nécessairement pareille non plus. Fait qu'à la fin, ton personnage est vraiment... Plutôt, si tu réponds honnêtement, ton personnage va être un peu à ton image, puis ça va te dire, es-tu du côté sombre, es-tu du côté clair? Ouais, je suis sûr que Simon était du côté sombre. Merci. Mais tu peux choisir d'être Jedi. C'est un honneur. Tu peux choisir d'être Jedi aussi. Non, tu choisis Jedi, puis il décidait à la fin si t'étais sombre ou si t'étais clair. Donc, ben, tu décides si tu rejoins l'Empereur ou pas. Ouais, c'est ça. Mais tu pouvais rejoindre l'Empereur. Spoiler! Ouais. Tu peux rejoindre l'Empereur et être quand même Jedi à la base. Oui, oui. Parce que l'Empereur était juste... Et pas nécessairement... Les personnages sont pas nécessairement méchants ou bons quand tu décides de choisir un personnage. C'est plus le genre de personnes qui sont. L'identité. L'identité de la personne. C'est défini. Comme à chaque station, il y a des personnages. Vous allez pouvoir voir, mettons, ils vont vous dire Han Solo. Quel genre de personne qui est, c'est un leader, est-ce que c'est quelqu'un qui est patient, est-ce que c'est quelqu'un qui est confortable avec les situations nouvelles, ou il est juste confortable avec les situations qu'il connaît, puis il aime pas trop quand ça change, comme C-3PO qui est l'exemple parfait du personnage, que lui, si ça déroge juste un peu de ce qu'il est habitué, il capote totalement. Fait que c'est... Il est névrotique. C'est ça. Fait qu'il n'est pas capable de concevoir le changement. Fait que là, il montre aussi le lien entre chaque personnage. Qui est ami avec qui, puis ces choses comme ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Si vous restez dans la région, ou si vous restez pas trop loin, ou même si ça vous tente de faire un petit voyage, puis venez voir ça. Moi, je vous le conseille. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est pas du tout comme l'exposition d'Indiana Jones, mais ça a son côté qui est super le fun. J'ai adoré l'exposition en tant que telle. La seule petit bémol que j'ai, ça serait de changer la méthode de livraison de l'information. Au moins changer ce petit transmetteur FM là pour quelque chose qui marche mieux, que ça coupe pas à tout bout de champ si t'as quelqu'un en avant de toi, ou si tu fais juste te tourner juste une couple de degrés pour regarder quelque chose qui est à côté, vraiment que ça soit toujours plus clair. Moi, je trouvais que c'était pas... Dans le pire, tu laisses passer la masse, puis tu y vas. Regarde, ça nous a quand même pris 2h30. Oui, c'est quand même un bon 2h, 2h30 si vous regardez tout. Chose importante à savoir, dans Indiana Jones, c'était interdit d'apporter caméra vidéo, caméra photo. Dans Star Wars, c'est autorisé. Fait que si vous y allez, apportez votre caméra, parce que si vous êtes vraiment un fan, il y a des très belles photos à prendre. Là. Il y a des choses. Donc, d'ailleurs, on pourra leur poster, peut-être mettre l'image de King of Abyss et Scalazormo à côté de l'autre. Oui, on va vous mettre les photos de nos personnages finaux. Quand on a fini nos personnages, vous arrivez. C'est vraiment le fun. C'est un peu comme Indiana Jones, où que quand tu arrivais à la fin, tu scannais ton iPod en avant d'un espèce de trou qui était dans le mur. Puis ton artefact que t'avais, qui était ton but de trouver dans l'exposition, apparaissait sur un écran vidéo avec ton nom en dessous. Dans Star Wars, c'est poussé un peu plus loin. C'est ton personnage avec ton alignement qui va apparaître à l'écran. Fait que c'est vraiment, si t'es Jedi, ça va être bleu. Si t'es Sith, ça va être rouge. Qui t'a choisi entre l'Empereur ou quelqu'un d'autre va être en arrière-plan. Ça fait vraiment une belle image, mais un beau fond d'écran pour vous autres de garder. Surtout si vous quand tu l'as quatre fois un côté de l'autre. Oui, Simon est arrivé, il a pris un écran parce qu'il n'y avait pas personne. Puis il a été scanné son bracelet quatre fois. Puis il avait quatre fois son personnage. Un à côté de l'autre. C'était agréable. Une petite armée de Darth Maul et King of Abyss. On était prêts. Ouais. Mais le plus aussi là-dedans, c'est qu'on pouvait même envoyer ça à notre email. Oui, ils vous laissent envoyer ça par courriel. Fait que vous pouvez recevoir votre personnage par courriel. Donc la photo, vous pouvez l'utiliser après ça comme fond d'écran. Là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça nous explique tous nos choix qu'on a fait pour nous faire notre petit, vraiment notre background, ce qui nous définissait. Oui, fait que c'est vraiment bien, bien interactif. C'est super intéressant. Je sais pas si les enfants aimeraient beaucoup ça. Les enfants là-bas semblaient vraiment regarder puis trouver, surtout lorsqu'il y avait les costumes, là, R2-D2, voir donc Han Solo dans la Carbonite. J'ai pas été moi voir Star Wars, mais je pourrais comparer mon fils versus Indiana Jones puis l'autre, parce qu'Indiana Jones c'était trop scientifique, c'était trop des faits réels. D'après moi, il aurait préféré voir Star Wars. Mais Star Wars, c'était pour... il aurait aimé probablement voir l'exposition, mais sans la partie interactive, parce que là, faut que tu puisses lire, faire tes choix. Tu peux le faire avec lui, c'est comme Marilyn, son garçon, je pense qu'il a 4 ans, 4 ou 5 ans, fait qu'il est plus jeune que notre garçon. Puis il a aimé ça, c'est un fan fini de Star Wars. Déjà à 4 ans. Il aime ça, il aime ça. Mais tu parles de ça, mais Indiana Jones, c'était juste de la lecture aussi. Oui, c'était beaucoup de lecture aussi. Savoir pourquoi il a été basé par-ci, par-ça. Ouais. On a resté longtemps devant des panneaux que mon fils était en train de tourner les pouces. Oui, c'était plus long. Mais c'est ça, calculez-vous environ 2 heures, 2 heures et demie pour aller voir ça. Non, 2 heures et demie. OK, 2 heures et demie. Si vous prenez votre temps, 2 heures et demie, c'est anglais ou français. Vous avez le choix quand vous recevez votre petit transmetteur. Il y a un petit bouton, ça change entre anglais puis français. Moi, j'aime les voix qui sont originales, fait que j'ai pris la version anglaise. La version française, c'était bonne, Simon? Oui, très bonne. C'était bien traduit. Très, très à jour avec qu'est-ce que vraiment, moi, ce que j'étais habitué des films et tout. Donc, les mêmes voix, ça a bien été. Quand vous allez commencer... oubliez pas aussi ce qui est très important, ce que Simon a appris, vous pouvez pas juste vous présenter sur place. C'est pas vous arrivez, vous payez, vous rentrez. Il y a des heures de présentation. Les départs sont aux 15 minutes. Fait qu'il faut être sûr. Je vous conseille d'acheter d'avance la date, l'heure que vous allez être là, parce que c'est ça. Si vous arrivez puis il reste de la place, vous êtes chanceux. La journée qu'on est allé, nous autres, pendant qu'on a rentré dans l'exposition, puis à un moment donné, on s'est fait dire que l'exposition était pleine pour la journée. Oui, on était déjà à l'intérieur. C'est ça. Ben, donc, eux calculent que si ça prend 3 heures, à 1 heure, ils vont peut-être arrêter, là, ou 2 heures. Je crois que c'était le maximum. Oui, c'est ça. Eux autres, ils se donnent une petite marge. Donc, oui, prenez votre billet à l'avance, mais moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais réservé déjà auparavant. Exactement. Et c'est pour ça que ça avait retardé ton cadeau, parce que ça fait longtemps que c'était sorti en publicité. Mais je pouvais pas, parce qu'il fallait qu'on décide d'une date qu'on pouvait y aller. Parce que ça commençait le 19, on est allé le 20 quand même, puis ça va jusqu'au mois de septembre. Ça s'en va jusqu'à la fin septembre, oui. Donc, mais là, moi, même en ligne, j'ai eu de la misère à essayer de trouver. Si vous avez de la misère à trouver, c'est parce qu'en ligne, on dirait qu'il avait juste commencé à faire le site. Puis la seule date qui était accessible, c'était le 19. Donc, je ne pouvais pas réserver et offrir ça en surprise à Luc. Je ne pouvais pas rien faire parce que j'étais bloqué. Il a fallu que j'appelle. Donc, n'hésitez pas à appeler. Ils sont très cordiaux puis ils vont vraiment vous servir. C'est numéro un. Et puis, lorsqu'on s'est présenté, tu vois, on a même aussi la ligne où on a déjà acheté notre billet à l'avance. Acheté, ouais. Qu'on dépense donc, dans le fond, toute la ligne d'attente, d'achat. C'est ça. Si vous avez à y aller, moi, je vous conseille d'acheter vos billets d'avance. Si vous arrivez là-bas, vous allez ramasser vos billets au comptoir, vous ne ferez pas la file parce qu'il y a une ligne exprès pour le monde qui a déjà acheté le billet. Ils vous donnent ça. Quand vous achetez ça, vous avez le droit à tout le restant des expositions aussi sur place. Des sciences là-bas. Là. Ouais, au centre des sciences, à part les films IMAX. Là. Mais tous les petits ateliers. Pour Indiana Jones, nous autres, on avait été faire d'autres ateliers avec les enfants. Quand vous allez là, quand vous achetez votre billet pour Star Wars, vous avez le droit de passer le restant de la journée dans les autres ateliers. Oui, parce qu'il y a des forfaits famille. Moi, ce que j'ai pris, c'est seulement deux billets adultes. Mais pour pas passer comme quoi que c'était ton cadeau de fête et que j'étais cheap, c'est qu'il fallait que je t'endure tout le reste de la journée. Ben, c'est déjà là, ça a pas de prix. Hein? Ça n'a pas de prix. Non, mais bref. Fait que, mais quand même, oui, il y a tellement de choix. Puis même moi, famille, comme tu dis, c'est vrai, peut-être ton fils va embarquer. Mais on peut donner un certain âge que s'il peut lire. Capable de lire et répondre par lui-même, ça va être encore mieux. C'est encore plus le fun. Oh, oui. Fait que rendu à 7-8 ans, c'est peut-être plus intéressant parce qu'ils peuvent vraiment faire ça eux-mêmes. En bas de ça, ben, si vous pouvez les aider, puis ça fonctionne quand même. Là. Fait que c'est à voir si vous avez du temps pour aller voir ça. Là. Moi, je vous conseille d'aller faire un tour. Ça vaut la peine si vous êtes fan de Star Wars. Si vous détestez ça, ben, cassez-vous pas la tête. Ben ça vaut pas la peine d'y aller. Mais Darth Vader, il était grand. Darth Vader, il était grandeur nature. Et c'était le costume des ceux qu'on appelle les premiers films, nous autres, parce qu'on les a vus quand on était jeunes. 3-4. C'était vraiment le... 3-4-5-6, ouais, le costume de David Prowse dans les Star Wars originaux et non pas la 1-2-3. 6-5? 6 pieds et quelques. C'était très... Il était très grand. C'était on peut pas approcher le costume à moins de 10 pieds. Là, ouais, il y a des barrières, mais on est quand même assez ils près. Ils ont bien fait ça avec des néons. Ouais, ouais, ouais. Mais capable ça nous prendre... donne quand même... On est capable de juger notre grandeur comparé à cette personne-là. Et puis, c'est assez grand. Oh, ouais. Mais Boba Fett était vraiment bien. Boba Fett était aussi incroyable. Oh, ouais. Moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est l'espèce de place fermée en plexiglas avec les néons pour les vaisseaux. Le Star Destroyer maquette qu'ils ont pris. C'est gros, là. C'est énorme, c'est vraiment gros. Des vaisseaux plus petits, le Snow Speeder, le X-Wing, le Faucon. Qui était la moitié de ce qu'il sait en réel qu'il utilisait comme maquette. C'est ça. C'est gros, là. C'est vraiment impressionnant. Prenez deux minutes et oui, il y a une erreur dans le film. Dans l'exposition. Il y a une erreur dans l'exposition. Ça prend un fan fini pour le trouver, là, mais en tout cas, à un moment donné, ils montent un bout de film, puis ils disent que ça vient de Star Wars épisode 4, Nouvel Espoir, puis finalement, c'est une scène de Retour du Jedi, mais en tout cas, on lui donne le bénéfice du doute, ça passe pareil. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, ça, je me suis dit en sortant, mais après ça, je me suis dit, bon, c'est un cadeau, je serais pas trop... Je serais pas trop fatiguant. Mais il l'aurait pas refait de toute façon. C'est non, je penserais pas. C'est un bout d'idéo. Il aurait pris ça comme dans la boîte à suggestions. C'est ça. Et il l'aurait déchiré. Donc, c'est ça. C'est à voir. Eric, malheureusement, je pense pas que ça va passer à Edmonton ou à Calgary. Erreur. Ah oui, ça s'en vient? Première ville après Montréal. Ah, quelle date? Ça veut dire en octobre? Octobre, oui. Hey. J'avais déjà mis dans le calendrier. Hey. Tu iras voir ça, ça va être. Tu nous en reparleras? Ouais, tu nous en reparleras. Je vais parler dans le podcast du mois d'octobre. Ouais, c'est à ça là, personne ne va s'en rappeler de toute façon. Même moi, je me rappelle pas de quoi qu'on parle d'un à l'autre. Fait que je sais que le monde va avoir oublié ça. Ben là. Non, c'est peut-être parce que je suis vieux, ça. Ouais, ça, c'est ça. De quoi qu'on parlait? Je sais pas. OK. De terminer ça? Non, mais il me reste un jeu à parler. Ce sera pas nécessairement ben, ben long. Thank you. C'est quelque chose que, quand j'avais vu que ça sortait, je me suis dit, Seigneur, non, dis-moi pas qu'ils peuvent descendre plus bas que le troisième. Je parle de Fable Heroes. Es-tu en 1D? Non. Je suis vraiment un fan de la série Fable. J'ai joué le premier sur PC un peu. Quand j'ai acheté ma Xbox puis que j'ai su qu'elle était rétro-compatible, j'ai ramassé le premier Fable puis j'ai joué sur la Xbox 360. Je l'ai terminé, j'ai passé beaucoup d'heures à jouer à ce jeu-là. J'ai vraiment embarqué dans l'histoire, j'ai vraiment adoré ça. Le 2 était bon, pas aussi bon que le premier, mais c'était quand même très bon. J'ai aussi passé plusieurs heures. Ce que je trouvais le fun, ou qui devrait peut-être être calculé comme un bug qu'ils ont laissé dedans, c'était que quand tu faisais de l'argent dans Fable 2, puis que tu éteignais ta console, quand tu revenais, elle avait continué à amasser de l'argent tout le long qu'elle était éteinte. Donc, j'imagine que si je remettrais le jeu aujourd'hui, je serais probablement millionnaire dans le jeu parce qu'elle ramasse de l'argent depuis que j'ai arrêté de jouer, il y a peut-être 2 ans. Comme l'histoire des slot machines. Ouais. C'est ça. Fait que c'est vraiment... c'était vraiment intéressant de ce côté-là parce que tu peux te ramasser de l'argent même si tu jouais pas, ça te permettait d'acheter des maisons, des choses comme ça. Dans Fable 2, je pense que j'ai toutes les maisons qui existent dans le jeu, puis tous les magasins, je pense que j'ai tout acheté. Puis le 3 est sorti, le 3 a été fait pour joueurs plus casual, c'est vraiment pris par la main tout le long, c'est plus court que les autres, c'est vraiment à mon avis le pire jeu de Fable qui a été fait. Quand j'ai vu qu'ils voulaient sortir Fable The Journey, qui va être un jeu, selon le monde de Microsoft et de Lionhead Studio, pas sur rail, mais que je peux pas concevoir qu'ils sont capables de faire ça pas sur rail, sur Kinect, donc ça va être un jeu sur rail, je me suis dit que ça s'enlignait mal. Puis quand j'ai vu qu'il allait sortir Fable Heroes, je me suis dit, bon ben ça y est, on a atteint le fond du baril. Puis finalement, ben quand je l'ai vu, je me suis dit, bof, je vais l'essayer. Il est sorti le 2 mai 2012, ça fait vraiment juste une couple de jours. C'est Microsoft Studio qui le distribue. C'est créé et développé par Lionhead Studio, donc la même compagnie qui fait les autres Fable. C'est un jeu, il est seulement 800 points, donc c'est pas tellement cher. C'est un jeu qui est décrit par Major Nelson, qui est vraiment quelqu'un qui travaille pour Microsoft, que si vous naviguez un peu dans le monde de la Xbox, vous le connaissez, là. Comme un hybride entre... il parlait de jeux, en tout cas, qui n'avaient pas vraiment rapport, parce que s'il aurait dit que c'était presque un clone de Little Big Planet, ça serait fait taper ses doigts, parce que Little Big Planet est une exclusivité sur la PS3. Mais c'est finalement un jeu Little Big Planet dans l'univers de Fable avec des épées, des fusils, des choses comme ça. La différence entre le jeu, entre ce jeu-là puis l'univers de Fable, c'est beaucoup moins violent. C'est pas sanglant du tout. C'est pas sexuel du tout non plus. Ça devient plus cartoon aussi. C'est vraiment cartoon. Donc, pour moi, il est classé 10 ans et plus. Mais moi, je l'aurais classé plus jeune que ça. Je l'aurais peut-être classé général, mais peut-être avec supervision de parents. Là. Parce que c'est vraiment pas si pire que ça. Moi, je le compare vraiment très, très proche à un Disney Universe ou à un Lego, peu importe. Mais avec certains avantages. Tu tapes pas sur la marboulette de tes amis. Donc, tu causes pas de dommages aux gens qui sont supposés jouer avec toi. T'as pas de puzzle, c'est vraiment un beat-em-up, là, un tape sur tout ce que tu vois dans l'écran. Fait que tu peux taper tant que tu veux, puis tu toucheras jamais tes amis qui sont là pour t'aider. Vous êtes toujours 4 dans l'écran, même si vous jouez tout seul. Vous pouvez choisir au début entre 4 personnages, qui sont des personnages qui sont connus dans le monde de Fable. Il y a le personnage qu'on incarnait dans Fable 3. Il y a Reaver, qui est un méchant dans la série Fable. C'est tous des personnages vraiment de la série qui sont connus. C'est des tableaux qui sont tirés de l'univers de Fable. Il y a Bower Stone, Il y a, vous allez voir, là, c'est vraiment des tableaux qui sont créés à partir de vraies villes de la série Fable. Vous avez les mêmes personnages, vous avez des Hobbs, vous avez les espèces de coccinelles, les Beatles qui appelaient ça, vous avez des hommes creux, vous avez qui les squelettes, vous avez des hommes avec des têtes de citrouille. En tout cas, les ennemis sont quand même assez diversifiés. C'est simple à jouer, on se casse pas la tête. Oui, c'est vraiment sur rail, vraiment poussé à l'extrême. Là. On a l'impression que le chemin où vous vous promenez, il y a des, même si on voit juste des petites clôtures avec des maisons puis du gazon à l'infini, vous avez l'impression que vous vous promenez dans avec des rampes de hockey tout le tour. Puis si vous vous collez à quelque part pour sortir, même s'il y a un chemin qui vous dit que vous allez pouvoir aller à la maison que vous voyez au loin, il y a un mur invisible qui va vous ramener, même si vous poussez tout droit, vous allez dans ce place-là, qui va vous tourner, qui va vous ramener sur le droit chemin. C'est presque un jeu parfait pour les enfants. C'est pas compliqué. C'est linéaire. Tu pèses sur X, tu tues les bonhommes. Tu pèses sur Y, tu as un espèce de coup plus fort. B, c'est pour esquiver, on fait une roulade. C'est vraiment super simple à jouer. A, c'est pour ouvrir les coffres. Puis vous avez un bouton pour changer le visage de votre personnage d'un sourire à un air bête ou des choses comme ça. Allô, Little Big Planet. Puis vous avez aussi un bouton qui va faire un coup critique, qui va taper à terre, puis qui va faire une espèce, comme on appelle, d'area of effect. Dans les MMO, une zone d'effet où ce que toutes les méchants qui sont dans cette zone-là se font faire du dommage. Fait que c'est à peu près tout. Puis ça vous coûte par exemple un cœur de votre énergie. Fait que quand vous faites le coup critique, on a comme 5 cœurs. Vous allez perdre un cœur quand vous faites ça. Mais ça, c'est une mission que tu fais, exemple, du point A au point B. Fait que lorsque tu changes de zone, est-ce que tu retrouves tous tes cœurs? Quand tu recommences un tableau, tu reviens au nombre de cœurs. Fait que t'as les cœurs pour finir le tableau. Donc, c'est là aussi pour l'utiliser. Là. C'est ça. Il y a des mini-jeux, il y a des boss de fin. Les mini-jeux, il y a un mini-jeu qui est assez intéressant, c'est pour donner, comme personnaliser votre personnage. C'est comme un tableau de Monopoly. Fait que c'est comme un tableau de jeu de société. C'est carré, vous avez des cases différentes. Chaque personnage a un dé à tourner. Si vous jouez seul, vous contrôlez quand même les 4 personnages pour cette phase-là. Fait que vous pouvez augmenter chaque personnage. Fait que vous avez, mettons, 2 fois, vous pouvez jeter les dés. Vous jetez les dés, votre personnage avance, vous faites un 6, vous avancez de 6 cases, vous tombez sur une case. Cette case-là, mettons, c'est augmenter votre arme. Fait que là, il vous donne 4-5 choix de choses que vous pouvez faire avec votre arme. Acheter une épée plus longue, faire que votre épée, quand vous allez donner un coup, va donner plus de dommages. Fait que c'est vraiment intéressant, puis c'est facile à personnaliser. Puis comme je vous dis, vous jouez seul, vous pouvez augmenter la force des 4 personnages qui sont là. Vous pouvez jouer co-op jusqu'à 4 personnes. J'ai joué co-op 2 personnes sur la Xbox avec mon fiston. Puis j'ai dit, tu promènes ton bonhomme, tu pèses sur X pour battre, puis il m'a dit, papa, je le sais. Fait qu'il est parti, puis il a tué des méchants, il n'y a pas de sang, fait que c'est pas pire qu'un Lego Universe où ce que tu tapes dessus, le bonhomme meurt, il tombe à terre, il disparaît, c'est tout. Il n'y a aucune goutte de sang qui gicle. C'est pas comme le jeu qu'Eric parlait tantôt. Fait que il n'y a aucun sang, puis on s'en va, on part de gauche, on s'en va à droite. Puis ils n'ont pas de manière de se perdre, on peut pas bifurquer, il n'y a pas de puzzle, il n'y a rien à chercher, il n'y a pas rien à débarrer pour être capable de continuer. Faut juste clairer la zone des ennemis. On a une espèce de gros panneau qui apparaît de peut pas passer jusqu'à temps qu'on ait éclairé les ennemis. Quand on éclaire les ennemis, ça dit allez-y, puis tu continues, puis tu te rends jusqu'à la fin. Quand tu as fini le niveau, tu bats le boss de niveau, il t'amène à la map générale du jeu. La partie après se déborde. Là, tu peux avancer. Des fois, tu as le choix d'aller à gauche, aller à droite, des niveaux différents. Vous pouvez refaire le boss de fin quand vous avez terminé. Vous pouvez refaire battre le boss de fin. Vous ramassez plus d'argent. Il y a un ranking ou un. Il y a comme un podium. qui dit bon ben celui qui a tué le plus de personnages, de méchants, qui a ramassé le plus d'or est sur le premier, les deux autres sont sur les deux autres marches du podium, puis le dernier, ben il est à terre tout seul dans le gazon puis il pleure. Fait que c'est... Tu disais que t'as tout le temps quatre personnages en même temps. Comment est-ce que c'est l'intelligence artificielle, les deux autres, sont-tu... Non, c'est vraiment intéressant, même que j'y trouve chiant, parce qu'ils vont aller te voler ton argent, ils vont aller te voler des cœurs. Fait que toi, tu te fais battre, tu te bats contre tes ennemis, tu claires la zone, t'as perdu quatre cœurs, il y a un cœur qui apparaît parce que t'as tué un ennemi, puis lui, il va partir en courant, puis il va aller chercher le cœur pour se régénérer, puis toi, tu restes là, puis tu l'as perdu... Où tu tapes des ennemis. Des fois, il y a un gros ennemi, comme dans le premier niveau, c'est un gros champignon qui apparaît, puis c'est marqué interlude au-dessus de lui. Okay. Fait que là, tu tapes, puis là, à un moment donné, il y a des scènes qui partent partout, puis là, tu vois, ils s'en vont, puis ils ramassent les sous à ta place. Parce que c'est quand même une compétition parmi les quatre, qui va avoir le meilleur score. C'est ça. C'est pareil comme Disney Universe, okay. Puisque c'est du coopératif compétitif. Okay. Fait que oui, t'es là pour t'aider, mais tu peux. Être méchant, puis faire quelque chose pour empêcher ton ami, ouais. Ami en gros guillemets, de ramasser des sous. Il y a des coffres, en t'en allant sur le chemin, pour t'en aller à la fin de ton niveau, il y a des coffres, comme dans Fable, tu ramassais des coffres, t'avais des épées, t'avais des affaires spéciales que tu peux ramasser. Dans ça aussi, t'as des coffres, t'as pas de pouvoir en tant que tel, tu peux pas, comme dans Fable, tu pouvais boule de feu, éclair, dans ça, t'as pas de pouvoir. Mais quand tu rouvres un coffre, il va te donner un pouvoir temporaire. Fait que t'as un pouvoir qui va te faire que tu vas devenir super gros, puis super grand, puis là t'es plus fort. Fait que tes coups portent plus, tu vas tuer plus d'ennemis plus facilement. Tu peux devenir tout petit aussi. T'as un coffre, ça marque c'est la fête, puis il y a des ballons qui sortent, puis les ballons te suivent. OK. Tu pognes deux coffres à une place, puis t'as un coffre gentil, puis t'as un coffre méchant. Fait que tu prends, j'ai dit à Nick, bon, quel coffre je prends? Il dit, prends le coffre méchant. Je prends le coffre méchant, il y a un gros nuage noir qui apparaît. Yes. Puis là, t'as comme un petit vaisseau de lumière qui apparaît au-dessus de la tête des personnages, chacun leur tour. Ils choisissent au hasard qui est-ce qui va être affecté par ton choix méchant. J'étais pas chanceux, ça a été moi. Fait que tout le long que tu promènes avec cet effet-là, t'as un gros nuage noir au-dessus de la tête avec des éclairs qui te tombent dessus, puis tu perds des sous. Puis c'est les autres qui ramassent les sous. Hein, ouais. Fait que là, pas fou, la prochaine fois que j'ai pogné un coffre gentil puis un coffre méchant, j'ai choisi le coffre gentil. Il y a eu le petit faisceau de lumière qui choisit un personnage, puis c'est pas moi qui ai été choisi. Puis là, ça y donnait des scènes. Ah. fait que mais c'est pas juste ça. Je pensais que c'était juste ça, le coffre gentil méchant, un éclair qui t'en enlevait, un nuage qui pleuvait des sous. Là, plus loin, je prends un autre coffre gentil. Il a donné à un personnage le pouvoir d'être grand. Mm-hmm. Fait que tes pouvoirs sont aléatoires. Okay. Fait que c'est vraiment intéressant. J'étais le premier sceptique à penser que c'était vraiment un jeu qui s'en allait nulle part. Puis finalement, j'ai vraiment aimé. Je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun. Puis je regrette pas de l'avoir acheté. C'est un peu aussi un jeu qui est rattaché à Fable The Journey. Quand vous allez vous promener dans la grosse map puis vous choisissez quel niveau vous voulez aller prochainement, il y a un niveau qui s'appelle Fable The Journey. Puis quand vous rentrez dedans, ça dit pour l'instant ce tableau va être disponible quand Fable The Journey va être sorti. Théoriquement, selon les plans, il va y avoir des choses spéciales que vous allez débarrer dans Fable The Journey en jouant à Fable Heroes. Fait que ça va être de voir qu'est-ce que ça va être là. J'imagine qu'ils vont nous garder quelques surprises là, mais c'est vraiment intéressant. Fait que vous pouvez jouer seul, vous pouvez jouer multijoueur local, puis vous pouvez jouer multijoueur en ligne. Fait que quand vous partez, vous pouvez faire une partie multijoueur privée ou une partie multijoueur publique. Fait que les gens peuvent venir se connecter à votre partie de n'importe où sur Xbox Live en cherchant une partie. Ou si vous la mettez privée, ben c'est multijoueur sur invitation seulement. Vous pouvez choisir si votre partie est ouverte ou si votre partie est ouverte à tout le monde, ouverte aux amis ou sur invitation seulement. Fait que c'est vraiment intéressant. Je pensais pas dire ça quand j'ai vu que ça a sorti, mais moi je vous le conseille. Les critiques sont un peu mitigées là-dessus. Il y en a qui donnent un 3.5 sur 10. Il y en a qui donnent du 8.7 sur 10. Moi, je serais plus proche de vous donner un 8. Je dirais vraiment, là, achetez-le. Si vous avez des enfants, c'est sûr que c'est un peu plus violent que certains autres jeux qu'on a, là. Mais c'est pas plus violent qu'un Disney Universe ou qu'un Lego Star Wars. C'est vraiment facile à jouer. Encore plus facile à jouer que ça. Puis les enfants vont s'amuser à ça. Moi, je vais rejouer avec mon petit garçon. On n'a pas joué bien longtemps. C'était l'heure du dîner. Fait qu'on a fermé la console puis on a été faire d'autres choses après. Mais je vais rejouer avec lui parce que je le sais que c'est le genre de jeu qu'il va aimer. Puis qu'on ne se cassera pas la tête, là. Parce qu'il peut pas, par erreur, me tuer. Ou je peux pas, par erreur, le tuer. Ou il peut pas s'en aller à une place trop loin. Puis qu'il va falloir que je dise non, viens-t'en par ici. Ça devrait être assez facile à jouer. Fait qu'un petit 800 points, c'est pas beaucoup. C'est peut-être qu'une douzaine de dollars, 14 dollars peut-être. Combien d'heures? C'est ça. 12 à 14 dans ce coin-là. Combien d'heures de jeu, je peux pas vous dire. J'ai joué probablement 2 heures aujourd'hui. Puis il en reste là. J'ai des tableaux que j'ai pas débarrés encore. Je peux retourner faire les autres tableaux. Parce que quand on arrive à un moment donné à la fin du tableau, on a 2 choix. On peut aller à gauche ou on peut aller à droite. Puis quand on choisit une place, il faudrait théoriquement refaire le tableau pour aller de l'autre côté. Fait que il y a beaucoup d'heures de jeu. Fait que pour un petit 800 points, moi je vous dis go. C'est pas tellement cher, puis vous allez avoir du fun. C'est bien. C'est beau. Mm-hmm. Moi qui pensais le planter, ce jeu-là, même pas capable. Ben, on l'essayera peut-être avec ton petit une prochaine fois, ou ouais. Jouer au bowling. Ouais, mais je vais me reprendre pour Fable the Journey. Lui, je vais le planter. C'était pas une bonne journée. Non, c'était pas une bonne journée. Mais c'est un jeu Kinect, puis ça va être sur rail. Sur Kinect, t'as pas le choix, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Mais peut-être qu'ils vont nous surprendre. Mais Peter Molineux est parti, donc ça peut me dire que ça n'augure pas bien. Ça s'en allait pas dans le sens qu'il voulait que ça s'en aille s'il a décidé de quitter le navire avant que le jeu soit sorti. Qui vivra verra. C'est ça. D'accord. Donc on va terminer là-dessus. Merci beaucoup encore de nous avoir écoutés. Je vais vous avertir tout de suite, ben je vous ai rendu à la fin, là, mais je vais vous avertir tout de suite. On a eu des problèmes pendant le podcast d'enregistrement. Skype ne nous aimait pas nécessairement aujourd'hui. Donc, ça se peut qu'il y ait des coupures à des places où ça sonne pas comme si c'est nécessairement super linéaire. Et je m'en excuse. On s'en excuse. Mais c'est la magie de se choisir un collaborateur à Edmonton, tu sais. Ah ben! C'est ton setup audio qui est un peu bizarre, mais qu'est-ce que tu veux, faut que ça marche. Donc merci beaucoup encore. Merci Eric. Merci Eric de faire ça à partir de Edmonton. Là, t'en vas-tu à quelque part, Eric? Non. Ah Eric, peut-être à l'E3. Ouais, la demande est en cours. C'est ça, moi je vais t'écrire la lettre comme quoi tu fais partie de CGUAP, puis que comme quoi tu es dans un podcast et un site qui parle de jeux vidéo. Pardon? Que j'ai pas de dossier criminel. Non, ben ça je peux pas le savoir, tu sais, je veux dire. Puis arrange-toi pas qu'on le découvre. Ouais, c'est ça. Cache-le bien. Puis si jamais t'es un criminel notoire, ben tu sais, quand tu vas être à Los Angeles, tu sais, low profile, parce que t'aimerais peut-être pas ça aller dans une prison américaine étant canadien. La Californie, c'est le seul état duquel je suis pas encore banni. Donc. Ah, mais ça va être fait fin juin. Tu pourras plus y aller. Donc, c'est ça. Donc, on va en reparler. Oubliez pas qu'on fait un défi tête rasée. Puis que le 3 juin, on se fait raser le coco pour une bonne cause. Donc, si ça vous intéresse, aidez-nous à atteindre notre but de 1000$. On est à peu près à 875, je pense, ou 900$ présentement. Mm-hmm. Fait qu'il manque pas beaucoup d'argent. Fait que si vous vous disiez, on aime ça les suspense, je vais attendre la dernière minute pour donner mon petit 5 ou mon petit 10, c'est le temps. La dernière minute est comme là. Le suspense est assez long, là. Si vous voulez me faire languir, c'est correct, vous pouvez y aller. Donc, juste à passer, parce que le lien est interminable là, pour se rendre directement sur le site de Leucan. Pour faire un don ou taper défi-tête-rasée.ca si je me rappelle bien, puis taper dans la recherche, taper Luc Desormeaux, le nom, le défi est à mon nom, même si on est trois à le faire là. C'est moi qui l'avais organisé au départ. Sinon allez sur le www.cjuap.com, puis vous allez voir à gauche, il y a un petit... À droite, l'autre gauche. D'accord. Il y a un petit onglet qui dit CJUAP pour le camp. Cliquez là-dessus, puis ça va vous amener sur la page où vous pouvez faire un don. Il n'y a pas de don trop petit. 5$, 10$, 2$. Chaque sous compte. 1000$, je veux dire, c'est comme vous voulez. Mais là, les sous sont en voie de disparition. Donc là, c'est chaque 5 sous compte. Ça, c'est quelque chose comme ça. Okay. Donc, c'est ça. L'argent ne va pas à moi et ensuite à l'EUCAN cette fois-là. Ça s'en va directement à l'EUCAN. Moi, je ne touche à rien cette fois-là. Et PayPal? Non, l'année passée, c'est moi qui le faisais. Okay. Donc, je ramassais l'argent par PayPal. Puis à la fin, moi, j'ai fait un chèque à l'EUCAN. Et pour ceux qui se le demandent, non, je n'ai pas eu de reçu d'impôt pour ce don-là. Non, je n'ai pas bénéficié de ça. Juste au cas où que des gens se poseraient la question. Je me la posais pas. Non, parce que quand tu fais un don, c'est déductible d'impôt. Je vais peut-être faire ça pour le rein et avec mon auto. C'est ça. Mais moi, je n'ai pas demandé de reçu d'impôt parce que c'est pas mon argent, c'est l'argent de tout le monde qui a donné. Et on vous remercie tous. C'est ça. Donc, si ça et toutes. Et toutes. Donc, si ça vous tente de faire un don, c'est encore disponible jusqu'au 3 juin. Ou de vous faire raser. Ou de vous faire raser. S'il y a des gens du coin ou pas du coin qui ça le tente de venir faire un petit tour le 3 juin à Saint-Zotique. Et nous voir. Oui. On va sûrement enregistrer quelque chose sur place juste pour la postérité puis pour le fun. On va avoir Steve Desgarry aussi avec nous. Peut-être qu'ils veulent le voir, eux autres aussi. Peut-être. Puis probablement qu'il va y avoir d'autres gens aussi qui vont venir faire leur tour là. Venez nous voir se faire raser le coco, puis si ça vous tente de vous faire raser, laissez-moi un petit courriel à cjuapodcast@gmail.com, laissez-moi vos informations puis je vais vous recontacter. Fait que là-dessus on se laisse, puis on se revoit ça va être fin mai pour le podcast du mois de mai, parce que théoriquement, c'est le podcast du mois d'avril qu'on fait. Si tout va bien. Si tout va bien. Sinon, ben, on va sauter le mois de juin, puis on va en faire un mois de juillet. Mois de mai, puis on va faire un mois de juin. Il est tard, donc je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés une autre fois. Merci à vous. Puis on se revoit le mois prochain. Bye. Ciao. Bye.